صديقة وطلقها تطليقة. لوسك فاطمة بنت فاطمة زوجة قيس رضي الله تعالى عنها لوسك لي فونو au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que la a'toub ala thabit Thabit bint Qais, naam, sa femme c'est pas Fatima, pardon, c'est Maryam al-Mughaliya ou bien c'est Jamila, comme ça disent les ulama. Donc elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit je ne me plains pas de mon mari ni de sa religion, yani les masha'Allah pratiquants, ni de son caractère, ni de son caractère. ولكن أكره الكفر في الإسلام. Mais j'ai peur du kufr après l'islam. Le kufr ici, ils ont dit les ulama, ça veut dire kufr ni'ma, parce qu'il y a deux kufr. Il y a un kufr grand qui fait rentrer éternellement en enfer ou le riyadu billah, et il y a un petit kufr. Il y a un petit kufr. Comme par exemple quelqu'un qui il ne jure pas par Allah. Il a fait un shirk ou un kufr. C'est aussi un petit shirk et un petit kufr. Elle lui a dit j'ai peur du kufr. C'est-à-dire de ne pas lui donner ses droits, etc. Et ulama ont dit qu'il était très moche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé qu'elle rende la dot. Elle a rendu, la dot, c'était un jardin. Il lui avait donné un jardin comme dot. Elle a dit d'accord, j'accepte, je rends. Et il a dit à son mari, accepte le jardin et séparez-vous. Ensuite, ils se sont séparés et j'ai dit, c'est ce qui s'appelle dans la sharia, ça s'appelle khula. Ça vient du mot khala, enlever. Pourquoi on emploie le mot enlever? Parce que la femme pour l'homme c'est un vêtement, et l'homme pour la femme c'est un vêtement, comme a dit Allah Azza wa Jal, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. C'est comme si la femme ici a enlevé ses vêtements. Pourquoi? Parce que elle a enlevé ses vêtements, c'est à dire elle s'est séparée de son mari, car le vêtement c'est un mari et pour le mari c'est l'épouse. Ensuite j'avais dit que le khula se faisait pour des raisons valables et ne se fait pas par exemple sans raison. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith innal mukhtali'at hunna al munafiqat, innal mukhtali'at hunna al munafiqat. Il a dit celles qui font le khula ce sont elles les hypocrites, c'est-à-dire celles qui le font sans raison valable. Nous, on parle de celle qui le fait pour une raison valable. Son mari boit de l'alcool, son mari ne fait pas la prière, son mari veut, quand il fait le rapport avec elle, veut le haram, veut qu'il fasse dans l'endroit qui est haram, elle veut pas, celle-là, elle peut faire le khula, et elle peut faire plus que le khula. Pourquoi? Parce que son mari la pousse à ce que Allah Azza wa Jal devienne courroucée d'elle, et il la pousse à ce que Allah Azza wa Jal va la rentrer en enfer. C'est pour ça qu'elle n'est pas obligée de rester avec quelqu'un qui est de ce genre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà le dernier hadith, il a dit, iqtadu billadayni min ba'di, Abi Bakr wa Omar. C'est celui-là le dernier hadith. Iqtadu billadayni min ba'di, Abi Bakr wa Omar. Suivez, yani, prenez comme exemple les deux qui seront après moi, Abu Bakr radiallahu ta'ala ou Omar. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a déjà dit ceux qui seront après lui, et que ce seront Abu Bakr et Omar, et que Abu Bakr et Omar n'ont pas volé le califat, comme disent les chiites, mais c'est Allah Azza wa Jal qui les a mis à leur place. C'est pour ça que Abu Bakr, comme vous savez, c'est la deuxième meilleure personne au monde, je dis bien au monde, après les prophètes. On a qui dans tous les êtres humains? Qui c'est les meilleurs? C'est les prophètes. Ensuite, de tous les prophètes, qui va venir en deuxième place? Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Juste en deuxième place. Abu Bakr, que Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran. Il dit, yaqulu li sahibihi. Là, il a appelé sahibihi. Il lui a donné la sohba. Il a dit, tu es un compagnon, ta sahabi, avec un verset coranique. La tahzan. Il dit, la tahzan. Donc, certains compagnons ont fait des recherches. Est-ce celui-là, quel âge avait-il, est-ce un compagnon, n'est-il pas un compagnon? Mais Abu Bakr, c'est avec le Coran, subhanallah, un verset coranique qui dit sahibi, il dit yaqulu li sahibi la tahzan, subhanallah. Quant à Omar radiallahu ta'ala anhu, c'était, comme vous le savez, l'un des hommes qui ont fait, yani, qui ont fait de l'islam, qui يعني, ils ont été la cause de propager l'islam. C'était l'un de ceux qui ont propagé l'islam à l'est et l'ouest, le sud et le nord, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en Inde, en Chine. Tout ça, c'est Omar radiallahu ta'ala anhu, en Égypte, en beaucoup, beaucoup de pays. C'était à cause de Omar radiallahu ta'ala anhu, et ses mérites sont très, très connus. Il suffit, yani ça suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, chez Sahih Tirmidhi, de Cheikh Al-Albani, il a dit, لو كان نبي بعدي لكان عمر. Il a dit, s'il y avait quelqu'un qui serait prophète après moi, il n'y en a pas bien sûr, mais s'il y avait, ce serait Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Si c'était quelqu'un après moi, ce serait Omar. Les chiites disent Omar, c'est un kafir. Et certains d'eux disent, il était même malade, d'une maladie, il fallait qu'il fasse, astaghfirullah, je ne veux pas dire des choses, il vaut mieux que je saute. La hawla wa la quwwata illa billah, ce que disent les chiites, ce qu'ils disent sur les compagnons du prophète radiallahu ta'ala, ce qu'ils disent, ce que dit Nasrallah au Liban, ce qu'ils disent des compagnons radiallahu ta'ala, ils les insultent, ils disent kuffar, ils disent zaniya, ils disent ceci. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن, lisez le Coran. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Ceux qui lisent le Coran ici, يوم القيامة, le Coran, le jour de la résurrection, il va faire pour toi l'intercession, il va faire shafa'a. Il va faire shafa'a, c'est spécialement pour ceux qui le lisaient. Car il y a des musulmans qui ouvrent le Coran une fois par année, c'est-à-dire quand le Ramadan arrive, ils ouvrent le Coran, ils lisent 5-6 pages, alhamdoulilah. Ils le font une fois par année. Il y en a qui le font une fois tous les 10 années. Et il y a des musulmans qui n'ont jamais ouvert le Coran. Il y a des musulmans qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'a jamais dans sa vie ouvert le Coran, ou peut-être il l'a vu comme ça par curiosité, et peut-être qu'il n'a pas lu une page. Et ça existe, croyez-moi, ça existe, en rare, mais ça existe, qui n'ont jamais ouvert le Coran. Il a dit, lisez le Coran, le jour de la résurrection, il va faire l'intercession. Ensuite, il a dit, Iqra'u Zahrawain. Lisez Zahrawain, c'est deux sourates qu'il va citer lesquelles. Zahrawain, Al-Baqarata wa Al-Imran. Lisez Al-Baqara et Al-Imran. Spécialement, lisez Al-Baqara wa Al-Imran. Fa'innahuma yatiyan yawm al-qiyama, elles viendront le jour du jugement dernier, ces deux sourates, spécialement. Elles viendront le jour du jugement dernier, ka'annahuma ghamamatan aw ghayatan, comme deux nuages ou bien deux groupes d'oiseaux. Il y a des oiseaux, quand il y a beaucoup d'oiseaux, ils sont sur la tête par exemple, ils cachent le soleil. Il n'a plus mal au soleil. Pourquoi? Ils sont des milliers d'oiseaux collés l'un à l'autre. Il a dit, ils viendront comme toyour, des oiseaux ou bien comme des nuages. Yuhadjani an ashabihima. Et ils vont parler et yani défendre. Ils vont défendre ceux qui lisaient le Coran. Subhanallah al-Azim. Yani, c'est comme à peu près quand tu vas au tribunal, tu as un problème, c'est l'avocat qui parle à ta place. Tu ne sais plus parler, tu ne peux plus parler, tu as peur, c'est l'avocat qui va parler. Maintenant, c'est la même chose. Ce jour-là, très peur, très chaud, très faim, etc. Eux, ils vont parler à ta place et ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Ensuite, il a dit, Iqra'u surat al-Baqara. Lisez surat al-Baqara. Fa inna akhdaha baraka. Celui qui lit de cette surah, c'est une baraka. Et vous savez qu'il y a un autre hadith où il dit que le baqara, quiconque la lit dans la maison, le shaitan ne rentre pas à la maison 3 jours. Connaissez le hadith. Quiconque lit le baqara, le shaitan ne va pas rentrer 3 jours. Au moins celui qui ne lit pas, s'il a la cassette, allez, au moins qu'il laisse la cassette tourner. La cassette tourner, elle sort le baqara. Mais il faut, disent les ulama, il faut, s'il laisse la cassette, il faut qu'il l'entende. C'est pas il la laisse la... Là, il est là-bas en train de discuter ou de voir la télévision. Quiconque ne lit pas le Baqara, hasra, c'est un grand regret. Mais maintenant, ils ne sont pas du regret. Quand il arrivera le jour de la résurrection, il verra certaines personnes avec le Baqara en train de parler à sa place, en train de le défendre, etc. Ce jour-là, il sentira que ça veut dire le Baqara. Maintenant, il ne comprend pas ces choses-là. Et ce jour-là, Donc il verra le soleil sur sa tête. Et qu'il y a certains gens qui ont le baqara au-dessus de leur tête. Et ce jour-là, il comprendra. Il a dit, وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ. Il a dit, ensuite, sorte le baqara avec quelque chose de spécial. Il a dit, les sorciers ne peuvent pas sortir le baqara. C'est très difficile pour eux sortir le baqara. Vous savez pourquoi? Parce que le sorcier travaille la plupart du temps avec le shaitan. Maintenant, toi, quand tu es shaitan, quand tu es le baqara, il n'y a pas de shaitan. Il s'enfuit. Donc, le sorcier, devant sortir le baqara, il ne peut rien faire. C'est très difficile pour lui sortir le baqara. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ هاتين الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lisez les deux versets avec lesquels سورة البقرة se termine. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه jusqu'à la fin. Il a dit, ces deux versets spécialement, Allah عز وجل me les a donnés d'au-dessus du trône. L'Azawjil a un trône, ça. Au-dessus du trône, l'Azawjil a pris ces deux versets, il l'a fait descendre. Et il a dit spécialement, celui qui est au moins, celui qui dit pas de Baqara, au moins qu'il lise. Amen al-Rasul ou bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Au moins qu'il lise ces deux versets, l'Azawjil les a fait descendre d'au-dessus de son trône. Tout ma qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. N'oubliez pas quand il sera moins 5, vous m'avertissez inshallah ta'ala. Il a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Maintenant nous, on ne sait pas par exemple quand est-ce qu'on est beaucoup beaucoup plus près d'Allah. Moi je ne sais pas quand est-ce que quand je suis debout ou assis, quand je mange, quand je dors, je ne sais pas. Il y a des endroits et des moments où on est très très près d'Allah. C'est quand, par exemple, ça, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut te montrer cela. Donc jamais tu n'arriveras à savoir ta tête. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus près, pour que tu sois le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque tu poses ton front, lorsque tu fais la prière, tu fais la prosternation. Lorsque ton front arrive et touche le sol, c'est là-bas que tu seras très très très très près d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est là-bas, quand tu es le plus bas, que tu dis Subhan Rabbi al-A'la, que tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus haut. Quand toi tu es le plus bas, tu attestes que Allah azza wa jalla est le plus haut. Donc il a dit fa'akthiru ad-du'a. Donc maintenant que je me suis prosterné, je suis très près d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dois-je faire? Il a dit akthiru, yani faites beaucoup de du'a et d'invocation. Faites beaucoup de du'a et d'invocation. Et je vous ai dit une fois ou deux fois qu'il y a un hadith qui dit que Allah azza wa jalla se courrouce, se met en colère contre quelqu'un qui ne fait pas les doigts, sans parler de la salat. Quelqu'un qui ne fait pas les doigts, Allah Azza wa Jalla se met en colère contre lui, parce que j'ai dit pourquoi. C'est comme s'il n'avait pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se suffisait à lui-même. C'est comme s'il s'était dit, moi j'ai pas besoin de doigts, j'ai tout, alhamdoulilah. Alors Allah Azza wa Jalla n'aime pas quand quelqu'un ne fait pas les doigts. Maintenant, quand on est très près de lui et on ne fait pas aussi les doigts, c'est aussi peut-être plus grave. Pourquoi? Yani, tu es plus près, le plus près de lui, et tu ne fais pas le doigt. C'est comme si, je donne un exemple, c'est comme que, par exemple, le grand responsable t'appelle dans son bureau. Tu rentres, salam alaykoum, tu t'assois, comment vas-tu prêt? Alors, au lieu de profiter là-bas, tu dis quels sont tes problèmes. Au lieu de profiter, voilà, j'ai un problème, ceci. On m'a enlevé l'eau, on m'a fait ceci, on m'a démoli ma maison. Toi, tu te tais, tu dis rien. Ensuite, lorsque tu sors, là, tu vas à la maison, tu vas parler, ou à quoi ça te sert. Tu étais très près de ce mas'oul, ce responsable, tu étais juste avec lui, en face de lui, tu n'as pas parlé. Maintenant, quand tu fais la prosternation, tu ne fais aucun doigt. À quoi ça sert? Comme font ceux qui font les innovations, quand ils terminent la salat, ils disent salam alaikum, salam. Subhanallah, ensuite il dit je ne sais pas quoi, ensuite il lève les mains. La hawla wa la quwwata illa billah. Il lève les mains après avoir terminé la salat. C'est comme si quelqu'un qui avait auparavant avait décroché le téléphone pour parler, ensuite il a posé le combiné, il a raccroché, et maintenant il commence à parler avec la même personne. Avec qui tu parles? La personne, tu as raccroché le téléphone toi, tu as posé le combiné. maintenant tu es sorti de la salle, tu as dit salam alaykoum, là tu es sorti. Quand maintenant tu vas lever les mains, faire les doigts, quand tu étais à l'intérieur, tu n'as pas voulu faire les doigts. À prosternation. Quand tu fais la nafila, tu es seul à la maison, tu fais deux rakat. Est-ce que si tu poses, ta tête pendant la prosternation, si tu la poses 20 minutes ou 30 minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire pourquoi? Tu es seul, tu n'es pas à la mosquée, tu n'es pas imam. Tu es seul, tu t'es enfermé dans la chambre, je vais faire deux rakat qui vont durer deux heures. Dans chaque prosternation, je vais faire 20 minutes ou le plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire pourquoi? C'est pas interdit. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum disaient que, en salat, yani de groupe, ils disaient que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait la tête quand il se prosternait jusqu'à ce qu'on se disait, est-ce qu'il lui arrivait quelque chose? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est évanoui? Ils ont dit jusqu'à ce que, des fois, on levait la tête pour voir. Non, on se disait peut-être, c'est passé quelque chose, on ne sait pas. Il faut que je lève la tête, je vois qu'est-ce qu'il y a, ensuite je redescends dans le soudoud. Non. Tellement c'était long. Maintenant, Hadi, il le faisait des fois avec les compagnons pour yani, qu'ils s'habituent à ce, pour qu'ils voient comment qu'il faisait la prière. Ça. Alors, qu'en est-il le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était seul dans la maison? Qu'en est-il? C'est pour ça que nous, en fait, on se dit comment il pouvait faire une prière de 3 heures, etc. Non. Parce que quand il pose sa tête, il sent qu'il est en train de parler. Il a quelqu'un à qui il parle. Yunadi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a connu Allah azza wa jal. Il a aimé. Il se sent près de lui. Il sait qu'il est en train de l'écouter. Il sait qu'il va l'exaucer, etc. C'est pour ça que ceux qui disent, ceux qui vont très vite, ça veut dire cela, ils font ça à la routine. Ça s'appelle la routine. Hein, il fait vite pour terminer vite, mais il n'est pas concentré. C'est parce qu'il dit. Après, subhanallah, 3 fois, il ne fait pas de doua, il ne fait rien. Celui-là, bien sûr, sa salat est acceptée, inshallah, mais c'est une salat qui en est très très faible. C'est une salat très très faible dans la balance de Allah subhanahu wa ta'ala demain. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a entendu quelqu'un, ils étaient assis comme ça, il a entendu quelqu'un rôter. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit aqsir min jusha'ik. Dans un autre hadith, il a dit kuffa anna jusha'ik. Il a dit arrête ton roux. Yani, ensuite il a expliqué, il a dit fa inna akthar an-nasi shab'an fi ad-dunya aktharum ju'an fi al-akhirah. Il a dit akthar an-nas shab'an, ceux qui mangent ici le plus, ceux qui se rassasient ici le plus, yani yishba' kathiran, ceux qui ici, yani, mangeront beaucoup, et bien sûr, yani, se rassasieront beaucoup, ishba beaucoup, ceux-là seront ceux qui, le jour du jugement dernier, auront le plus faim. Non. Plus quelqu'un mange ici beaucoup, plus il mange, il dépasse les limites, il ne mange pas yani, normalement, plus le jour du jugement dernier, il aura plus faim que les autres. Et ceci est très normal. Très normal. Remarquez, par exemple, un riche, qui mange tous les jours, par exemple, 4-5 plats à midi, 4-5 plats le soir, etc. Et comparé avec le pauvre, par exemple, qui mange seulement un plat, le pauvre qui n'a rien et mange du riz seulement là, quand il y a la faim, qui des deux peut tenir le plus? C'est le pauvre. Il a l'habitude de ne pas manger. On lui donne juste un bout de pain, il dit merci, alhamdoulilah. Mais le riche qui a l'habitude de manger, ça va lui faire un grand problème. On va lui donner un morceau de pain, ça ne lui suffira jamais. Il a habitué son ventre à ce qu'il mange une certaine quantité, une grande quantité, sinon il ne pourra pas. Donc ceux qui mangent ici beaucoup et exagèrent, ceux-là bien sûr, le jour du jugement dernier, ils auront beaucoup plus faim que tous les autres. Et c'est quelque chose de très très normal et très logique, comme vous l'avez remarqué. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أقل أمتي الذين يبلغون السبعين. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1183, hadith bon, hasan, il a dit أقل أمتي الذين يبلغون السبعين. Il a dit ceux qui arrivent à 70 ans dans ma nation sont peu. Ils sont pas nombreux. Non, il a dit ma nation, son âge c'est entre 60 et 70. Dans un autre hadith, et il a dit ceux qui dépassent les 70 sont peu. Qadil man yujawiz. Qadil man yujawiz. Donc, vous toujours, inshallah ta'ala, marchez sur ce hadith. Marchez sur ce hadith. Dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans l'âge de ma naissance, c'est entre 60 et 70. Donc, toi toujours, si tu arrives à 60, dis-toi, chaque jour, peut-être c'est aujourd'hui que je vais mourir. Chaque jour, dis-toi ceci. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Si tu arrives à 70, yani, alhamdoulilah, ça devient, yani, c'est quelque chose, tu as, comme on dit, tu as fait l'exception. Maintenant, si c'est 72, 73, yani, c'est, comme j'ai dit une fois, c'est comme si tu jouais le temps mort. Hein? Le match est terminé, tu es en train de jouer le temps mort. Mais tout est calculé chez Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Et ça veut dire, yani, c'est une faveur que Allah Azza wa Jal t'a donnée, surtout si quoi? Si ce temps-là, tu le fais dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pour ça que en islam, ça ne veut rien dire avoir, vivre longtemps. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant cette longévité? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala ou là tu passais avec le shaitan? C'est ça l'essentiel. Donc, si, c'est pas l'essentiel de vivre 80 ans ou là 100 ans. L'essentiel, c'est de vivre, de faire sa vie adoration, de faire de sa vie une adoration. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي إن صلاتي ما بخيار ونسكي. يعني سكوش في الحج سكوش يغرجي سرا. ومحياي إما في ومماتي إما مور لله رب العالمين. Donc il a dit, dit et ma vie doit être pour Allah. Nous, notre vie doit être pour Allah. C'est pas notre salat. C'est pas notre salat. On dit salam alaikum et on est libre. Classe. Je jette le djilbeb, je jette le hijab, après il jette le kamis, il va faire ce qu'il veut. Khlas, il a fait la prière. Non, c'est pas comme ça. Toute ta vie doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu commences par le dua. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhi an-nushur. Ensuite, tout ce que tu fais jusqu'au soir, tu reviens, tu dois le faire tout dans le halal. Du matin au soir, si tu parles, tu parles halal. Tu ne mens pas. Tu dis pas les gros mots. Tu n'insultes pas. Si tu t'assois, avec les gens qui parlent seulement des choses que si ce n'est pas le din, au moins quelque chose de qui n'est pas haram. Ils parlent des arbres, des cieux, des oiseaux et des fourmis. Ça ne fait rien. On parle pas din, ça ne fait rien, mais au moins on parle pas haram. Ensuite, pendant cette journée, si j'achète des choses ou je vends des choses, je ne fais pas le haram. J'achète pas le haram et je vends pas le haram. Si ce jour-là je me marie dans le halal. Si ce jour-là je me marie, je cherche la femme qui a les conditions que le prophète Aslam a dit. Et la femme cherche l'homme qui a les conditions que le prophète Aslam a dit. Pour faire du mariage une adoration. Le mariage lui-même va devenir une adoration. Ensuite, tu vas au travail. Le travail lui-même, tu rapportes l'argent pour manger. Je mange pour vivre. Je vis pour adorer Allah. Le travail lui-même devient une adoration. Et comme ça, tu passes toute ta journée en adoration. C'est pas seulement tu la passes dans la mosquée avec le Coran, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est tout ce que tu fais, il doit être en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Aqilu dawil hay'ati afaratikum illa al-hudud. Aqilu dawil hay'ati afaratikum illa al-hudud. Ça, c'est un hadith, mashallah, c'est un hadith sahih. Beaucoup de gens ne connaissent pas, bien sûr. Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand quelqu'un se trompe, par exemple, quelqu'un se trompe, bien sûr, vous savez, quand quelqu'un se trompe, le hadith te dit ici que tu dois savoir d'abord qui c'est qui se trompe. C'est pas tous les gens sont pareils. Ici, il te parle de Dawilayat, ceux qui ont les responsabilités, ceux qui sont très connus, etc. Il dit que ceux-là, on ne doit pas les mettre à pied égal avec n'importe qui. C'est pour ça, il a dit sauf. S'il se trompe, yani, soit souple avec lui. Vas-y, doucement. Le grand pas, doucement. Pourquoi? Parce que c'est un grand responsable. Il a des gens derrière lui. Il a ceci, il a cela. Même si lui, yani, il devient pratiquant, etc. Il va influencer les autres, etc. Ou maintenant, question de mal. Il peut te faire beaucoup de mal. Il a beaucoup de gens derrière lui, etc. C'est pour ça qu'il a dit, sauf le hudud. Sauf s'il fait un grand péché. Sauf s'il a fait la zina. Je vais pas dire celui-là, c'est un responsable, donc je vais pas le fouetter. Là, celui-là, il a volé, c'est un grand responsable, je lui enlève pas sa main, etc. Mais il a dit, à part cela, à part des grands péchés, hein, soyez souple avec eux, etc. C'est pour ça qu'une fois j'ai entendu Cheikh Jaber, toujours j'oublie son nom. Obeid al-Jabiri. Obeid al-Jabiri, hafidhahullah. J'ai entendu dire une fois, non, il a dit quand on veut n'enha an al-munkar, on voit qui c'est. Il a dit système ministre ou là c'est quelqu'un. Il a dit c'est pas la même chose. Non, système ministre auquel tu vas lui dire ça c'est haram, etc. C'est pas comme tu vas dire à quelqu'un qui vend les carottes dans un marché. Celui-là, tu lui dis comme ça c'est haram, et peut-être tu peux même lui dire autre chose. Mais quand c'est un ministre ou là, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans un même pied égal, comme je venais de dire. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, quand vous faites le recoin, yani faites le bien. J'ai dit une fois comment on fait le recoin. On ne descend pas beaucoup et on ne serve pas beaucoup. On fait avec nos jambes, on fait 90 degrés, un angle de 90 degrés. Yani quand on se tend, si quelqu'un nous voit, on fait 90 degrés avec nos jambes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on lui mettait un verre d'eau sur son dos, l'eau ne coulerait pas. Tellement c'est droit. Pour être comme ça droit, j'ai dit une fois qu'il fallait lever la tête et regarder à l'endroit où on va faire le soudoud, c'est pas regarder entre ses pieds pour ne pas se courber et faire rentrer les os du dos, les omoplates, les faire rentrer pour que tu sentes ta poitrine sortir. Quand ta poitrine sort, tu peux descendre encore plus. Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas descendre jusqu'à aller rentrer la tête entre ses pieds. Et comme le font les autres, ou bien il ne descend pas du tout, il descend seulement à 20 degrés ou à 30 degrés. Non, il faut descendre jusqu'à être perpendiculaire. Il a dit au sujoud, la même chose le sujoud, beaucoup de frères et de sœurs, n'en parlons pas des certains des ignorants qui ne savent pas de dîner, même des frères et des soeurs, quand ils font le soudoud, ils le font juste sur place. Yani, là où les genoux tombent, là où il met les genoux, il va mettre la tête. Entre ses genoux et la tête, il va laisser seulement 20 cm ou 10. Au point où des fois, ses avant-bras, quand il fait le soudoud, ses avant-bras touchent ses cuisses. Subhanallah l'adhim. Ses avant-bras touchent ses cuisses. Il ferme avec ses avant-bras ses cuisses et il pose sa tête comme ça devant ses genoux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le soujoud, les compagnons disaient, il nous faisait de la peine. Quand on le regardait, comment il ouvrait ses mains, comment il faisait rentrer ses os du dos, comment que il disait, on voyait la blancheur de ses aisselles, tellement il lève les mains pour qu'il ne touche pas les avant-bras, pour que ça ne touche pas le sol. Il disait, même si un animal voulait passer, il pouvait passer. Quand il fait le soujoud, il lève les avant-bras au point que s'il y a un petit animal, un chat, qui veut passer, il peut passer sous ses avant-bras. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les gens font comme l'hérisson, ou bien comme la grenouille. Il fait le soujoud juste ici devant ses genoux, au lieu d'aller là-bas un peu plus loin. Et je vous ai dit, je vous dirai toujours, si tu veux savoir si ton soujoud il est vrai ou n'est pas vrai, quand tu te mets debout, laisse entre toi et la sutra, je vais répéter, je vais toujours dire qu'est-ce que c'est la sutra. La sutra, c'est, tu ne fais pas la prière au milieu de la chambre. Tu cherches quelque chose, tu la mets devant toi. Soit une chaise, soit un divan, soit une chose qui soit à peu près d'un demi-mètre. Si tu ne trouves pas, tu n'es pas obligé de mettre la sutra s'il y a le mur. Approche-toi du mur. Chaque chambre a quatre murs. Va du côté du mur de la Qibla. Approche-toi du mur. Laisse entre lorsque tu vas dire Allahu Akbar, laisse entre toi et le mur 1,5 mètre. Compte comme ça, 1,5 mètre. Fais, si tu veux, avec tes pieds, un grand pas et un demi-pas. Ça fait 1,5 mètre. Tu dis Allahu Akbar. Lorsque tu fais le soujoud, tu descends. Tu dois laisser entre toi et le mur, ou bien entre toi et la sutra que tu as prise, seulement deux empans, Shibran, yani pour laisser un mouton, s'il veut passer, il passe, mais on ne laisse pas passer, on ne laisse rien passer quand on fait la sutra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il faisait la prière, il y avait un mouton qui a voulu passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité, sallallahu alayhi wa sallam, il a collé sa poitrine contre le mur, comme ça le mouton est passé derrière lui. On ne laisse rien passer entre nous et la sutra. Mais quand tu fais le soujoud, qu'est-ce que tu fais? calcule s'il y a à peu près 10 cm entre toi et le mur. Alors quand tu es prosterné, si tu avais fait 1,5 m, si tu avais laissé 1,5 m quand tu étais debout, maintenant quand tu es prosterné et il y a seulement 10 cm entre toi et le mur, c'est ça la vraie prosternation. Tu vas sentir, dis-moi ce que tu vas sentir. Tu vas sentir que tu es vraiment étendu vers l'avant et non pas yani comme ça, comme la grenouille ou là comme l'hérisson. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Naam, il a dit, Atimu ruku wa sujud, fa inni arakum min wara'i dhahri. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Il a dit, pourquoi il leur a dit, faites bien le sujud et le ruku? Pourquoi? Il leur a dit, parce que je vous vois. Naam, je vous vois quand je fais la prière. Subhanallah al-Adim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez bien sûr qu'il avait des choses que personne n'avait. Il avait des choses que personne n'avait. Entre ces choses, quand il faisait la prière, il disait Allahu Akbar, il commençait à dire, il voyait Allah Azza wa Jalla lui montrer, comme il lui posait comme ça un miroir devant lui. Il voyait tout ce qui se passait à l'intérieur. C'est pour ça que, comme dans un hadith sahih, une fois quand il a terminé, il a dit Salam alaikum, salam alaikum, il s'est retourné, il a dit à quelqu'un, Mamanaaka, qui t'a dit de ne pas me suivre dans le ruku? Ensuite il a dit, ah non, toi pourquoi tu n'as pas fait ceci? Subhanallah al-Azim, même quand il est en face de la Qibla, il voit tout ce qui se passe derrière lui. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça ici il leur a dit, faites bien le ruku, faites bien le sujoud, je vous vois quand je fais la prière. Quand je commence à prier, je vois tout ce qui se passe derrière moi. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akthir, il a dit à quelqu'un, akthir min la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha min kanzil jannah. Il a dit, dis beaucoup, il a dit à quelqu'un, lui donne un conseil, dis beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah, dis beaucoup cette phrase, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un kanz, c'est un, je sais pas comment dire en français, kanz, j'ai oublié. Il a dit, c'est quelque chose qui est venu spécialement du paradis. Il a dit, c'est un trésor. C'est un trésor du paradis. Naam, il a dit, c'est un trésor du paradis. Donc, il a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. En fin de compte, ce n'est pas très difficile. Quand on marche, on dit, la hawla wa la quwwata illa billah. On conduit, on dit, la hawla wa la quwwata illa billah. La femme dans la cuisine, elle dit, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas difficile en fin de compte. Mais c'est nous, ou bien nous connaissons pas le dîn, ou bien nous voulons pas pratiquer. L'une des choses, l'une des deux. Ou bien on connaît pas que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor du paradis. Donc on laisse nous le trésor, on veut pas le trésor, parce que vous savez le paradis ce n'est pas la même chose. Le paradis, il y a X et Y, des musulmans X et Y, les deux vont être dans le paradis, mais X aura des choses que Y n'aura pas. Non, parce que le paradis il est maintenant, il nous attend, mais il n'est pas fini le paradis. Chacun son paradis, chaque croyant son paradis l'attend, mais il n'est pas fini. À chaque fois que tu dis des choses, etc., Allah Azza wa Jalla le remplit. Allah Azza wa Jalla le remplit. C'est pour ça qu'il y a un autre hadith où il dit, la hawla wa la quwwata illa billah, il dit, c'est une plante de Jannah. Plus tu dis cela, plus Allah Azza wa Jalla te plante là-bas, te plante dans le paradis. Il dit aux anges de planter. Alors, c'est ton paradis, si tu veux le remplir, remplis-le. Tu veux qu'il soit normalement, c'est comme si quand tu vas acheter une voiture, tu n'as pas beaucoup d'argent, il te donne la base, une voiture. Belle voiture, mais la base, même les vitres, c'est toi qui les ouvres avec la main. Tu as de l'argent, tu demandes les options. Je veux ça s'ouvre toute seule, je veux verrouillage central, je veux le toit ouvrable, je veux. Maintenant, ces choses-là, tu veux les travailler, tu travailles maintenant, tu les prépares. Tu veux avoir la base, seulement le Jannah, bien sûr, c'est beaucoup le Jannah. Mais si tu veux seulement la base, ne dis pas ces choses. Ne dis pas la hawla wa la quwwata illa billah, ne fais pas les nafila, etc. Tu vas trouver la base. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la plupart qui meurent de ma nation après le destin, bien sûr, la prédestination, qada ou qadar, mourront du mauvais œil. Il a dit la plupart, suivez bien, il n'a pas dit quelques-uns ou certains. Il a dit la plupart de ma nation vont mourir par le mauvais œil. La hawla wa la quwwata illa billah. Le mauvais œil peut même te donner, pas à toi, Inch'Allah, peut donner aux gens, il peut donner une maladie très grave. Non, le mauvais œil peut donner une maladie très grave et inguérissable. le mauvais œil, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire tomber quelqu'un d'en haut, il escalade et il tombe et il meurt. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mauvais œil, il a dit, yutkhilu ar-rajul al-qabr, il fait mourir et rentrer la personne dans sa tombe. Wa yutkhilu al-jamal al-qidr, et il fait mourir le chameau, ensuite on l'égorge et on le rentre dans la marmite. Non, le mauvais œil. Nous, on ne donne pas beaucoup d'importance au mauvais œil. C'est pour ça qu'on ne fait pas anti-mauvais œil. On ne fait pas l'ad'iyya. Non, on ne fait pas l'ad'iyya. On ne dit pas qu'on a adou bi rabbil falaq, qu'on a adou bi rabbil nas. On ne dit pas ça beaucoup. On ne dit pas adou bi kalimat lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma. Ensuite, on cherche la ruqya. On dit, voilà, je ne sais pas ce qu'on a. On a le mauvais œil, on a le sihr, on ne sait pas ce que c'est. On reste comme ça des années malades sans savoir pourquoi. Et le mauvais œil, vous savez qu'il a été cité dans le Coran au moins deux fois. La première fois, quand l'Azawjal a dit, quand Yaqub alayhi salam a dit, Ya baniya la tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriqa. Il parlait de ses enfants, les 11, il leur a dit, ne rentrez pas d'une seule porte, dispersez-vous. Deux, ils rentrent par là, deux par là, un par là-bas, trois par là-bas, ne rentrez pas tous à la fois. Les gens vont dire, Subhanallah, qui c'est cela? 11, c'est qui ça? Ils vont dire, tout ça, c'est les fils de Yaqub. Oh, s'ils vont dire, Masha'Allah, ils vont pas dire, Masha'Allah. Tout ça, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Celui-là, il a 11. Il a dit donc, rentrez par deux, ou là, par trois, dispersez-vous. C'est pour ça que, des fois, les gens, il y a certaines personnes qui, par exemple, qui achètent des choses, elles les cachent. Elles n'aiment même pas que les voisins les voient, etc. C'est pour ça qu'il est préférable, des fois, quand on achète quelque chose que les voisins n'ont pas, etc., il est préférable de la cacher ou de l'acheter par exemple la nuit quand tout le monde dort, ou là on la fait rentrer à la maison. Sinon, il y a des gens qui vont crier, si au moins ils disaient Masha'Allah, la quwata la billah. Et vous savez que quelqu'un peut se donner le mauvais œil à lui-même. Moi, je peux acheter quelque chose, au lieu de dire Masha'Allah, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les dua, que yubarik ali, qu'est-ce que je fais? Je dis pas, je dis, oh, qu'elle est belle, etc. Ensuite, elle se casse, ensuite, elle se perd, ensuite, etc. Donc, la personne peut se faire à elle-même, le mauvais œil. Wa laula id dakhalta jannataka, qulta masha'Allah, la quwata la billah. Il avait un grand jardin, il l'a trouvé, brûlé. Il lui a dit, si au moins, lorsque tu rentrais dans ton jardin, tu disais, masha'Allah, la quwata la billah. Au moins, tu le disais pour toi-même. Pour toi-même, tu le disais pas. Donc, tu t'es pris par un mauvais œil. C'est pour ça que faut bien prendre garde du mauvais œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plupart de ma nation mourra avec le mauvais œil. Non, mourra avec le mauvais œil. Donc, Inch'Allah ta'ala, on fait beaucoup de doua. Et nous aussi, quand on voit quelque chose qui nous plaît, chez un frère qui l'a acheté, chez quelqu'un, chez une personne, on lui fait le doua de baraka. On dit, Allahumma barik lahu. Allahumma barik lahu fi hada. Barik lahu fi siyara. Barik lahu fi rizqih. Barik lahu fi kada. Donc, parce qu'il y a des gens qui, lorsque tu vois leur visage, tu sais qu'il y a l'envie dans leur cœur. Tu sais, il y a le hasad dans leur cœur. Tu sais, certains gens ne peuvent pas le cacher. Ils deviennent jaunes comme du citron. Ils peuvent même pas te dire mbouk alik. Ça leur devient difficile. Tu sens, quand tu le vois dans le visage, tu sens que, khlas, il a eu le hasad dans le cœur. Il n'a même pas, des fois, il peut même pas venir à la maison pour te dire mbouk alik pour telle chose, pour ta belle voiture ou ta maison, l'enfant que tu as eu, il ne peut pas te dire. Tellement il a le hasad dans le cœur. Même s'il te le dit, tu sens, tu regardes la façon dont il te parle, tu sens qu'il te l'a dit, mais il a dans le cœur le hasad. De cela, il faut bien prendre garde et faire beaucoup de doua. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent nous jeter et aller dans, nous faire de grands problèmes si nous, on ne fait pas les doua et les tahsinat. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Akthiru salat aliyah, fa inna Allah wakala bi malakan inda qabri. Il a dit, faites beaucoup de salat sur moi. Dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa hakada. Faites beaucoup de salat sur moi. Faites beaucoup d'invocations. Dites Allahumma salli ala Muhammad. Pourquoi? Fa inna Allah wakala bi malakan inda qabri. Allah azza wa jal m'a mis un ange spécialement devant ma tombe. J'ai devant ma tombe un ange spécialement pour moi. Pas pour les autres, ni pour moi ni pour vous. spécialement pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait cet ange? Il a dit, فَإِذَا صَلَّ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكِ. Il a dit, si quelqu'un de ma nation dit, Allahumma salli ala Muhammad, cet ange, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, ya Muhammad, il me parle, moi je suis dans la tombe, il me dit, ya Muhammad, inna fulan, ibn fulan, salla alayka sa'a, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu dis, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui va lui dire, et il va te citer avec ton nom. Il va dire, par exemple, je vois ici en face de moi, Abdelkader al-Emirat, Oum Abdelnour, Oum Abdallah, elle a dit maintenant, Allahumma salli ala alayka Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est avec ton nom, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, Allahumma salli wa sallam ala rasulih sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que voilà un hadith qui prouve donc quoi? Vous n'avez pas remarqué ce que prouve ce hadith, hein? Ce hadith va annuler et brûler une grande bid'a. Vous savez laquelle? C'est la bid'a de dire que les morts entendent. Hein, certains gens te disent les morts entendent. Ah, le mort il entend. Le mort entend. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entend pas? Pourquoi il faut que l'ange lui dise? Il faut que l'ange lui dise, il y a Foulain qui t'a dit qu'il a fait la salade sur toi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entend pas et ton mort, toi, il entend? Et les morts n'entendent pas. C'est ça, dalil sahih. Le plus juste, c'est que les morts n'entendent pas. Car Allah a dit dans le Coran, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله عز وجل fait entendre qui il veut et toi tu peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Il a dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Et si tu vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Donc les morts n'entendent pas. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam غزوة بدر, hein, il a jeté les chiens de Abu Jalsa, il les a jetés dans un puits. Et il leur a parlé du haut du puits. Hal ma wa'adakum rabbukum haqqan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah Azza wa Jalla vous a dit, vous a promis? Ils étaient morts, bien sûr. Même Omar s'est étonné. Il lui a dit pourquoi? Ya Rasulallah, ils t'entendent. Donc c'est un délire que Omar, radiallahu ta'ala, il savait que les morts n'entendaient pas. Il s'est étonné. Il lui a dit pourquoi, ya Rasulallah, ils entendent? Tu parles aux morts, sont en bas dans le puits, ils t'entendent des bougies électriques. Il a dit, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud dans le Bukhari, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui les a ahyahum, takbitan lahum wa tankilan, wa yani takhziyatan lahum. Allah Azza wa Jalla les a fait ressusciter seulement avec la minute pour entendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. C'est pour ça que lorsqu'on m'a posé la question, le prophète alayhi salam m'a répondu, innahum al-ana yasma'un. Il a dit, maintenant ils écoutent. Ça veut dire qu'au sol fiqh on dit mufhum mukhalafa, mufhum hal. Mufhum hal, ça veut dire à part maintenant ils n'entendent pas, parce qu'il a dit al-ana yasma'un. Maintenant ils sont en train d'entendre. Ça veut dire à part maintenant ils ne peuvent pas entendre. C'est pour ça que il y a un grand alim qui s'appelle Al-Usi, il a écrit un livre merveilleux. Il l'a appelé l'ayat al-bayinat fi adam sama' al-amwat ala madhhab al-hanafiyya sadat. Là, c'est un livre où il a prouvé que les morts n'entendent pas, ils ne peuvent pas entendre. Et ce livre, il est merveilleux parce que c'est Cheikh al-Albani al-Rahmatullah qui l'a corrigé. C'est lui qui a corrigé ces hadiths. Il a dit ce hadith est bon, ce hadith est faible, etc. C'est tahqiq Cheikh al-Albani. C'est un livre pour prouver que les morts ne peuvent pas entendre. Ensuite, si les morts entendaient, bien. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le mort, il est ou bien dans un grand châtiment, ça, ou bien il est en train de voir à son paradis, ça. Maintenant, si les morts entendaient, donc, le mort, yani, je vais, moi, à mon grand-père qui est mort, hein, je vais m'asseoir devant sa tombe, et je vais commencer à raconter du matin au soir. Aujourd'hui, on a mangé bukbuka, ma soeur s'est mariée, X est tombé dans un puits, l'épicier l'a fermé aujourd'hui, X est tombé du vélo. Je vais raconter du matin au soir, il va m'entendre. Il va rire, il va pleurer, je sais pas, peut-être même je vais l'énerver. Je vais lui dire, toi, tu nous avais beaucoup de problèmes, tu n'as pas voulu vendre la maison, etc. Je vais l'énerver dans la tombe. Donc le mort n'entend pas et c'est impossible qu'il entende. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani, où il dit que je crois que même il est dans le Bukhari, moi je l'ai lu chez Cheikh Al-Albani, où il est dit que lorsque quelqu'un meurt, s'il est musulman, s'il est croyant, lorsque les anges prendront son âme, ils vont monter vers le premier ciel. Ils frapperont, quand ils arriveront au premier ciel, ils frapperont. On dira qui ? On dira X, l'âme de X, avec ses bons noms. L'âme de X, le prieur, l'âme de X qui faisait le monde, l'âme de X qui... Même s'il a un pseudo ou un nom qui n'est pas bien, on l'appelle avec ce mauvais nom, ce mauvais pseudo, l'ayadu billah. Ensuite, quand on lui ouvre la porte, dès qu'il rentre, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que l'arwah, yani les morts, les âmes des morts qui sont au premier ciel, parce que les âmes des morts, comme a dit Imam Malik, elles viennent à la tombe et elles montent, elles viennent et elles tombent et elles montent. Les âmes du mort vont venir questionner le mort. Alors les anges diront, laissez-le, laissez-le, il vient juste de quitter yani, le monde, il vient juste de yani, il vient juste de se irtaha, comment on dit irtaha, yani, il est fatigué, il est beaucoup fatigué, laissez-le, il vient juste maintenant de se reposer, laissez-le un peu, non, se reposer, non, barclofit, laissez-le, il vient juste de se reposer. Alors là, qu'est-ce qui a rapport avec le dars? Il a dit ensuite, les âmes vont lui poser des questions. Vous savez entre autres qu'est-ce qu'ils vont lui poser? Ils vont lui dire, yani, où est X, etc., où est Y. Et ensuite, il a dit, c'est comme ça qu'a dit le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit jusqu'à ce qu'on lui dise, et X des femmes, X des femmes. C'est elle mariée, X, c'est elle mariée, Allah l'adim. Tellement le mariage, yani, c'est quelque chose d'important. Même les morts demanderont, et X, yani, la fille a dit qu'on l'avait laissée. C'est elle mariée. Donc, si les morts connaissaient, pourquoi cette âme va demander à ce mayit, celui qui est mort, pourquoi va lui demander où est X, etc., et est-ce que X s'est marié? Donc, c'est une preuve qu'elles ne savent pas. Les âmes et les morts ne savent pas. C'est pour ça qu'ils demandent. Ensuite, j'ai quelque chose à dire, si je n'oublie pas, c'est dans ce contexte, quand ils vont lui demander... Non. Ensuite, jazakallah khair, donc intéha le waqt. Ensuite, il demande, jusqu'à ce qu'il demande, comme ça dit le hadith, jusqu'à ce qu'il demande, et X, comment va-t-il? Ensuite, le mort leur dira, pourquoi X? N'est-il pas, ne l'avez-vous pas vu? Il est mort avant moi, peut-être ça fait années 20, 30 ans qu'il est mort. Ils diront, alors, zuhiba bihi la ummihi al-hawiya. Il n'est pas venu chez nous, donc, il est parti de l'autre côté, c'est-à-dire on l'a emmené direct vers l'enfer. Non, il y a certains morts, comme les kuffars, etc. Bien sûr, ceux-là, ils ne vont pas rentrer dans le ciel. Vous savez, quand ils meurent, on ne va pas lui ouvrir le ciel. On va dire celui-là qui? Il a dit celui-là, X, le kafir, le fajr, etc. L'Azawjil le répondra, dira, l'ange leur dira, on ne peut pas ouvrir à une personne pareille. Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le jeter d'en haut du premier ciel, pour qu'il tombe dans sa tombe. Et j'ai lu un autre hadith d'Al-Albani où il est dit, comme le croyant, on va le faire monter ciel par ciel jusqu'au septième, l'autre, on va le faire descendre terre par terre. On va le descendre sous la terre, sous la terre, sous la terre, sous la terre. C'est comme si il y a une prison là-bas ou quelque chose comme ça. Il va descendre sous la terre, oulayadu billah. ولا جيتيرميني بوغ اوجوردي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جو ريبوندري ان شاء الله تعالى ا بو كيسيون دون 10 مينوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا باكثين أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من

شهدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أنزل إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار محلون فيها من أساور من ذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De préférence, on laisse, inshallah, terminer le verset. De préférence, on laisse terminer, inshallah ta'ala, le verset. On va commencer, comme d'habitude, par les réponses qui me sont venues dans le courrier. Inshallah ta'ala, on va répondre aux autres. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salam ala ashraf al-mursalin. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, c'est que on n'est pas dans la salle où on était, hein. C'est une autre salle, vous remarquez mon pseudo, il y a Ibn Taymiyyah, ensuite il y a un petit trait, ensuite un. C'est pas ma salle, c'est une autre salle, j'ai ouverte. C'est pour ça que ceux qui étaient dans ma liste ne sont pas dans ma liste. Ceux qui étaient dans ma liste additionnés pâle, comme ceux qui ont 32 et la clique. Il n'y a personne maintenant sur ma liste. À part Ilyes et Bouanes. On a ouvert cette salle pour car l'autre s'ouvrait difficilement. En fin de compte, il y a les mêmes problèmes dans cette salle. Elle s'ouvre aussi difficilement. Inch'Allah ta'ala, on fait ce qu'on peut. Allahu ta'ala. La première question qui m'était venue, c'était... Naam, avant de répondre à la première question, je demande à Oum Sakina si elle est là. Elle m'en fait part pour que je lui réponde en ce qui concerne l'aqida. La première question m'avait dit R ou Orta, je ne sais pas si ce sont des frères ou des sœurs, parce que j'ai enlevé les noms ici. J'ai seulement les questions. Fadli, c'est quoi la question? C'est quoi Yanni? J'ai pas compris. Je ne sais pas, Allah. Je suis dans ma maison, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Naam, s'il y a quelqu'un qui enregistre, qu'il dise à Sakina 32. S'il y a quelqu'un qui enregistre, qu'il dise à Sakina 32, Inch'Allah ta'ala. Il y a quelqu'un qui a dit Bismillahirrahmanirrahim dans notre mosquée, il y a une personne qui fait de la sorcellerie, sihr, et nous avons une des preuves évidentes. On a trouvé sa carte de visite, un frère lui a parlé et c'est sûr. Donc je voudrais savoir si on peut prier à côté de cette personne et aussi comment réagir avec cette personne. On peut prier devant cette personne, bien sûr, notre prière n'a rien à voir avec cette personne et sa sorcellerie. Moi quand je fais la prière, celui qui est à ma gauche ou à ma droite, il n'a aucun lien avec moi. Ma prière est juste, sa prière est juste, ça n'a rien à voir. Quand tu fais la prière, celui qui est à ta gauche, à ta droite, il n'a rien à voir. Si c'était lui qui guidait la prière, ça aurait été un problème. Mais tant qu'il fait la prière lui avec vous, ça n'a rien à voir. Ensuite, il dit comment réagir avec lui. Ça dépend. Si c'est une personne qui vous écoute et qui aime la naseha, etc., tu lui dis la naseha. Si c'est une personne qui n'écoute pas, etc., tu lui parles pas celui-là. Si tu es sûr qu'il fait la sorcellerie, tu t'éloignes de lui et de ses problèmes. Tu t'éloignes de lui et de ses problèmes. Si c'est une personne qui écoute, tu lui fais la naseha. S'il n'écoute pas, tu t'éloignes de lui et de ses problèmes. Tu ne lui parles pas et tu t'éloignes de lui. Ensuite, je voudrais savoir où je vis en Algérie, que je voudrais devenir votre élève si je fais la hijra, inshallah ta'ala. Je vous donne du cours sur le hadith, le mutawatir, le baklofi, monsieur, qui nous conseille. Abouanes, on n'a pas fait un cours sur le hadith mutawatir. On n'a pas fait un cours sur le hadith mutawatir. En ce qui concerne, inchallah, je serai en Algérie. Si je pars en Algérie, inchallah, si je fais la hijra et tu veux venir, inchallah, tu viendras et je te dirai où je serai, inchallah ta'ala. Je te dirai, j'habite dans une ville qui s'appelle Blida. Tu connais une ville qui s'appelle Blida, tu viendras là-bas, inchallah ta'ala, tu me trouveras, si je n'aurais pas changé. Hein. Maintenant, en ce qui concerne la sœur qui avait parlé d'Aqida, voilà. Je vois que son problème, ce n'est pas le Qadim. Ce n'est pas le Qadim. Non, il y a un problème dans le Qadim. Le problème de Oum Sakina, c'est que tu as dit quoi? Tu as dit pourquoi ils l'ont écrit avec majuscule. L'awwal et l'akhir, ils l'ont écrit avec majuscule, etc. Et les noms qui s'écrivent avec majuscule, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le Qadim, ce n'est pas un nom d'Allah. Pourquoi l'ont-ils écrit comme l'awwal? Pourquoi ils l'ont écrit avec majuscule? La réponse, ma chère sœur, c'est pas Ibn Qayyim qui l'a écrit en majuscule dans la Nouniya. Ce sont ceux qui ont traduit. Car en arabe, il n'y a pas de majuscule. Donc ceux qui ont traduit, ils ont fait une faute, ils l'ont écrit avec quoi? Avec majuscule. Ensuite, je ne connais aucune règle comme ça en français qui dit que si c'est un nom d'Allah, on écrit en majuscule, sinon on n'écrit pas. Donc, je ne sais pas, je sais qu'en général, on écrit les noms en majuscule en français. Mais si c'est en question de nom d'Allah, etc., je ne sais pas. mais c'est pas Ibn Qayyim qui l'a écrit avec quoi, avec une majuscule. Donc, comme j'ai dit, le Qadim, c'est pas un nom, et ça rentre dans les informations, car le chapitre des informations est plus vaste que le chapitre des attributs. L'akhbar awsa min bab sifat. Ensuite, revenons à la mushkila. Ensuite, le problème, tu as dit que, voilà, deuxième question. Cependant, hier, en lisant ce paragraphe, je n'ai pas reconnu ce que vous avez dit. Ensuite, tu as, c'est pas la peine de lire ce qu'il y a ici. Ensuite, tu as dit, juridique, etc. Donc voilà, cher, pour ce que je ne comprends pas, qu'Allah vous vienne en aide, pouvez-vous m'expliquer ça, Inch'Allah? Et faites mon incompréhension, et surtout le premier paragraphe. C'est-à-dire, voilà ce qu'a dit le premier paragraphe. Ce qu'Allah a voulu, que cela existe au niveau universel, c'est la mécréance, la désobéissance, le mal, l'injustice, au niveau de la volonté religieuse, il ne les aime pas, ni ne les agrée, ni n'ordonne qu'elles soient pratiquées par les êtres. Allah en interdit toute pratique, les déteste et suscite sa colère. Si au niveau de la volonté universelle, il ne peut y avoir dans son royaume que ce qu'il veut, au niveau de la volonté religieuse, il peut y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Car pour moi, comme il a expliqué ici, ça fait partie de la volonté universelle, car ce sont des choses qu'Allah n'aime pas. Allah alam, j'espère que tout ceci sera clair, vous arrivez à m'expliquer. En fait, il faut, comme on dit d'abord, on dit que le jawab fara an su'al ou an tasawwur. Pour quelqu'un répondre, il faut qu'il comprenne ce que veut le questionneur. S'il ne le comprend pas, c'est impossible qu'il réponde. Bon, maintenant, je crois avoir compris. Je crois, c'est tout. Je vais répondre d'après ce que j'ai cru. Je crois avoir compris. Utamushila, c'est quand il a dit ici, à la fin, il a dit, il interdit tout pratiquer, etc. Si au niveau de la volonté universelle, il ne peut pas y avoir dans son royaume que ce qu'il veut, au niveau de la volonté religieuse, il peut y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Naam, si c'est ça la mushkila, je vais te dire, si c'est celle-là. Allah Azza wa Jal, il aime des choses et il ne les veut pas. Allah Azza wa Jal veut des choses et il ne les aime pas. Allah Azza wa Jal, au niveau de la volonté juridique, il aime beaucoup de choses et il ne les veut pas. Par sagesse, il ne veut pas les faire. Il voudrait que tous les gens soient croyants, mais il ne veut pas le faire. Il voudrait que Abu Jahl soit croyant, mais il ne veut pas le faire. Donc Allah Azza wa Jal veut des choses. Il les veut une volonté juridique, mais il ne les veut pas une volonté universelle. Car s'il les avait voulu une volonté universelle, il aurait dit, soyez, ils auraient été eux. Donc Allah Azza wa Jal, il aime ce qu'il ne veut pas et il veut ce qu'il n'aime pas. Il aime des choses qu'il ne veut pas que ça existe. Il aime que nous tous en fassions la prière, mais il y a des millions de gens, des milliards qui ne font pas la prière. Voilà, volonté juridique existe, il aime les gens qui font la prière. Et universel n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas dit soyez, ils auraient tous fait la prière. Il n'a pas voulu. Et le contraire, Allah Azza wa Jal n'aime pas des choses, n'aime pas l'alcool, n'aime pas la zina, n'aime pas. Et il les veut universellement. Il les a fait dans son univers, il les a laissés pour des sagesses que tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, connaît. Voilà ce que je peux te dire. À part cela, je n'ai pas, donc, si ce n'est pas la réponse, c'est que je n'ai pas encore compris ce que tu n'as pas compris. Si c'est pas celle-là la réponse, c'est que je n'ai pas, Inch'Allah Ta'ala, encore compris ce que tu n'as pas compris. Car pour moi ici, je lis, tout me paraît très clair et très simple. Ça me paraît, c'est ce qu'il a dit, très clair, très simple, et je ne vois aucune contradiction, Inch'Allah Ta'ala. Si tu n'as pas compris, réécris-moi une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, pour te faire comprendre. Pour que je comprenne d'abord, pour te faire comprendre, Inch'Allah Ta'ala. ثم قال ensuite c'est écrit ici j'ai oublié où je me suis arrêté. Je voudrais savoir quel est le comportement, ça c'est une autre question de quelqu'un qui a dit avec une salam pour voir que tout. Il a dit je voudrais savoir comment qu'on doit faire avec une personne qui fait partie du Jama'at Tabligh et qui met en garde contre les gens, contre Al-Sunnah ou Jama'at, et qui propage que le fondateur du Minhaj Salaf est un juif. Certains frères ont décidé de ne plus leur serrer la main et de ne plus leur passer le salam. Est-ce permis? Naam, celui-là en principe, on ne lui dit pas salam alaikum, en principe. On ne lui dit pas salam alaikum. Wa nahjuruhu et on lui parle pas, on lui parle pas jusqu'à ce qu'il fasse le repentir. Mais toi, tu peux lui parler dans le cas où tu as peur des problèmes. Si tu as peur des problèmes, hein, il connaît des gens, mukhabarat, ils vont se faire entrer en prison, ça. Celui-là, tu lui dis salam alaykoum, tu fais semblant de rire avec lui, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de quelqu'un avant qu'il rentre chez lui dans la maison, il a dit bi'sa akhul ashira. Il a dit celui-là, yani, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Ensuite, il est rentré et a commencé à lui sourire. Ensuite, Aïcha lui a dit, ya Rasulallah, pourquoi tu as dit ceci, tu as fait cela. Tu as dit celui-là, c'est quelqu'un de pas bien, tu as souri quand il est rentré. Il a dit, naam, il a dit, Asharnasium al-Qiyama, Doulwijhain. Il a dit, il n'y a pas plus grand supplice le jour du jugement dernier comme celui qui a, yani, deux visages. Il a dit, celui-là, c'est quelqu'un de dangereux, c'est pour ça que je fais cela il n'y a pas de solution avec lui. Donc toi aussi, en principe, tu ne parles pas à quelqu'un que celui-là, c'est un ennemi de la sunna. C'est un ennemi de la sunna. Mais si tu as peur de lui ou de machafine, tu lui dis salam alaykoum. Ensuite, salam alaykoum. Pour la prière du voyageur, elle s'applique si on peut plus de 80 km. Est-ce que c'est deux rak'at? Et aussi, s'il n'y a pas d'eau dans une voiture ou avion, par exemple, pouvons-nous faire des ablutions avec tayammum? La prière du voyageur, inshallah ta'ala, ce n'est pas obligé que ça soit 80 km. Ce n'est pas obligé que ça soit 80 km. Ça peut être 40, ça peut être 50. Tout voyage, on peut faire, inshallah ta'ala, la prière du voyageur. Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah, a dit, je préfère 80 km ou 82. C'est lui qui a dit comme ça. C'est un ijtihad. Mais dans la sunna, il n'y a aucun hadith là qui dit qu'il faut 80 ou la 70 ou la 95. Ensuite, c'est deux rak'at, bien sûr, c'est deux rak'at. Et si tu ne trouves pas d'eau, tu es dans un avion, une voiture, tu ne trouves pas d'eau, et tu as peur que la prière va sortir, tu l'as fait avec le tayammum. Si tu n'as pas peur, tu attends un peu que tu arrives dans un endroit où il y a de l'eau. Si tu es en voiture, tu t'arrêtes dans un endroit où il y a de l'eau, tu fais des ablutions. Si c'est très loin, il y a entre toi et une autre ville 500 km, il n'y a aucune autre ville, il n'y a pas d'eau, tu fais le tayammum et tu ne laisses pas la prière sortir, inshallah ta'ala. Un frère veut se marier avec moi, il dit suivre le Coran et la Sunna. Il dit qu'il suit le Coran et la Sunna, mais ne se proclame pas de minhaj. Pour lui, être musulman, ça suffit. Mais il ne suit pas de minhaj salafi. Que dois-je faire, Yachir, accepter ou refuser? C'est avec l'Oréan. Nous vivons en France. Et qu'Allah nous facilite le plus possible pour partir. Nous vivons en France et qu'Allah nous facilite le plus vite possible pour partir d'ici, Inch'Allah, Amin. Naam, si toi tu es vraiment salafia, il sera difficile pour toi d'accepter quelqu'un qui n'est pas salafi. Si toi tu es simple, comme il dit lui, je suis simple, musulman, ça suffit, c'est faisable. Mais si tu es vraiment salafia, ensuite tu vas découvrir beaucoup de fautes chez lui et tu vas le détester et ensuite tu vas dire je divorce. Donc regarde, ça dépend de toi. Si tu es salafia, tu aimes le ilm, tu aimes kada, ensuite tu vas trouver beaucoup de défauts chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas salafi. Tu vas trouver qu'il fait des choses, il voit des choses, il s'habille comme tu ne veux pas, etc. Ensuite vous allez rentrer dans les problèmes. Maintenant, si tu veux, tu poses tes conditions, je voudrais que tu sois ceci, cela. S'il accepte, d'accord. S'il accepte pas, cherche inshallah ta'ala quelqu'un qui est salafi. Maintenant, s'il n'y a pas de mariage ou là c'est difficile ou là, bien sûr, si tu te maries au moins avec celui-là, c'est mieux que de rester âgé comme ça dans une maison. Tu fais les doigts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu es jeune, tu sais qu'il y a des gens inshallah qui vont demander ta main et que tu es salafia, ne te marie qu'avec un salafi, sinon ça va être difficile pour toi. Wallahu ta'ala a'lam. Ces derniers temps, avec la chaleur de l'été, quelques frères salafis, Inch'Allah, partent nager dans un coin, un lac, en plein après-midi, au moment où il y a le plus de gens. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, comme vous savez, ici en France, il y a énormément de fitna, surtout en été, et donc ils sont amenés à voir de la fitna, hommes et femmes dénudés. Par contre, les frères me disent que dans cet endroit, il n'y a personne, mais c'est déjà arrivé qu'ils ont vu des femmes. Donc moi maintenant, j'aimerais savoir si c'est autorisé de se rendre dans ce genre de lieu en sachant qu'il y a de gros risques que leurs yeux tombent sur des choses interdites et que eux se fassent voir également. En sachant aussi qu'il y a des frères qui s'y rendent tous les jours et y consacrent beaucoup du temps. Bien sûr, tout le monde sait, inshallah ta'ala, que aller dans des endroits où on voit des choses pareilles, c'est haram. Quand tu vas dans un endroit, il faut que tu ailles dans un endroit où tu sais que tu ne vois pas et on ne te voit pas. C'est pour ça, tu vas dans un endroit pareil, il faut t'éloigner, de sorte à être dans un endroit où tu ne vois pas des choses et toi, quand tu nages, personne ne te voit. C'est pas la nage qui est interdite, c'est pas le lac qui est interdit. C'est les gens qui viennent là-bas qui interdisent les choses. À cause d'eux, on va se priver de choses. Donc, c'est pas la plage ou la mer ou là qui est interdite, mais c'est les gens qui vont venir, c'est quelle sorte de gens, etc. C'est à cause d'eux qu'on doit laisser des choses, sinon on rentre dans le haram. Donc, s'ils peuvent aller dans un endroit où c'est sûr, il n'y a personne et personne ne les voit, d'accord. Mais s'ils vont dans un endroit où les gens passent devant lui, quand il y a quelqu'un qui passe avec sa femme, je ne sais pas dans quelle tenue, c'est interdit, surtout là-bas, c'est interdit que tu lui dises, par exemple, pourquoi tu es passé par là, etc. Si tu sais que c'est comme ça, il vaut mieux ne pas y aller, inshallah ta'ala. Et quiconque laisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza lui donne mieux que cela, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne Muhajir Medina, je ne sais pas s'il est là, je vais voir d'abord s'il est là. S'il est là, c'est pas la peine de répondre Muhajir Medina. Cherchez avec moi dans la liste, Barakallahu fik, quelqu'un qui s'appelle Muhajir Medina. En principe, il est toujours là, Allahu a'lam. Comme ça, c'est pas la peine de répondre à quelqu'un qui est absent. Moi, je le vois pas, Inch'Allah, dans la liste. Je le vois pas. Allez, sa question après. Une sœur dit, après avoir fait salat istikhara, cette sœur accepta le mariage avec un frère. Celui-ci réussit à convaincre son père et ils se mirent d'accord pour le mariage. Seulement ce frère se taille la barbe et porte des vêtements non conformes à la sunna. Mis à part les poils pour la djellaba et les khamis en venant de la famille de sa sœur. Ces deux choses font partie des critères que recherche la sœur. C'est-à-dire que le frère soit attaché à la sunna et n'enlève pas le caractère obligatoire sur ce qui est juste pour se faciliter l'acte. Et donc cette sœur regrette d'avoir accepté. Ainsi, elle aimerait savoir s'il lui est possible de refuser et si elle aurait raison de le faire, malgré qu'elle ait donné son accord avant que le tuteur ait accepté et que sûrement le frère a mis sa famille au courant. Elle avoue avoir honte, se retira après toutes les démarches déjà faites. Pour ce qui est des raisons du père, celles qu'il a avancées sont celles-ci. À savoir, pour ce qui est des raisons du frère, il a dit que ce frère, il n'est pas de France, il est déjà marié à une autre femme, en vivant chez les parents de sa femme. Pour la tenue, il dit qu'il est arrivé en France, il portait la sunna, mais comme sa femme n'appréciait pas, elle voulait qu'il s'habille plus stylé, comme les jeunes que l'on voit ici, masha'Allah. Il a donc accepté de changer de tenue vestimentaire pour faire plaisir à sa femme, masha'Allah. Et ne pas réjouir Allah, faire plaisir à sa femme, masha'Allah. Celui-là, il est masha'Allah. Et dans ses tenues, elle lui a demandé de porter des jeans, masha'Allah, des hauts, Lacoste, etc., masha'Allah. Pour la barbe, attends, on va voir qu'est-ce qu'il lui a dit. Il dit que c'est pour le travail et aussi parce qu'il n'est pas dans son pays, il n'a pas encore les papiers. D'après lui, il est plus difficile qu'aux autres de laisser pousser la barbe. Seulement, pour le moment, il ne travaille pas. Quand il a cherché, il a fait chez des frères dont l'un porte la barbe, masha'Allah. Donc, pourquoi tailler la barbe dans ces conditions? C'est elle qui dit cela. Donc, pourquoi tailler la barbe dans ces conditions? Cette sœur pense qu'il y a une faiblesse dans tout cela, malgré que ce frère dit avoir de la science. Elle n'approuve pas vraiment son comportement, car il y a obéissance à une créature dans la désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah Azza wa Jal, car cela, il n'a pas bien caché sa aura et ressemble au mécréant. Et elle considère la barbe obligatoire contrairement à lui. Que doit-elle faire? Celle-là, Inch'Allah ta'ala, elle fait la prière de la consultation. Et tant qu'ils n'ont pas fait le mariage, tant qu'ils n'ont pas apporté le wali, tant qu'ils n'ont pas apporté les deux témoins, tant qu'elle a seulement dit oui, elle a accepté, mais ils n'ont encore rien fait, elle peut, Inch'Allah ta'ala, elle peut dire j'ai changé d'avis, surtout si elle sait qu'elle est un peu difficile. Je vois que cette sœur a de la foi, masha'Allah, et que c'est pas le genre qui accepte facilement quelqu'un sans la barbe et avec pantalon blue jean serré contre lui. Et je sais que peut-être ce frère va lui faire des machins plus tard, parce que si vraiment il aimait ces choses, il ne l'aurait pas enlevé, ou bien s'il l'aurait enlevé, au moins dans la daroura, ceux qui les auraient remis, quand la daroura passe. Et je vois que cette sœur est un peu, entre parenthèses, elle est un peu yani, difficile, si je puis dire, yani, vraiment difficile, yani, ses conditions, elles ne sont pas chez ce R. Celui-là qui l'a demandé ne remplit pas ses conditions. Voilà. Il lui faut quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce genre de mari qu'il lui faut, d'après ce que je vois. Wallahu ta'ala alam. Donc avant qu'elle ne regrette le grand regret, elle peut maintenant dire j'ai fait la istikhara. Ensuite je vois que je n'ai plus envie de me marier maintenant. Là, elle est très exigeante concernant la sunna, elle est très exigeante. Je ne veux pas qu'elle soit exigeante au point que ça soit exagéré aussi. Il ne faut pas que ça soit vraiment exagéré. Il faut qu'elle soit exigeante dans les normes, pas au point yani, de par exemple de ne pas parler avec quelqu'un ou là parce qu'il est comme ça ou là. Yani, il faut être inshallah ta'ala souple. Il faut que cette sœur ait un peu de souplesse et qu'elle fasse la balance. Elle regarde, est-ce qu'elle est en état de mariage, est-ce qu'elle peut se marier facilement, est-ce qu'elle peut pas, pour que tout ça rentre dans les calculs. En état, elle est jeune, elle sait qu'on va la demander, elle sait qu'il va y avoir des sunnis qui vont lui demander, etc. Ou est-ce une femme âgée, etc. C'est difficile pour elle. Il faut qu'elle fasse tous ses calculs et qu'elle fasse, inshallah ta'ala, l'istikhara, qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer. Mais tant qu'elle n'a pas fait l'aqd, ça veut dire tant qu'elle n'a pas fait les deux témoins et le wali, ils n'ont pas fait l'acte, elle peut comme ça facilement, car si elle fait l'acte, il faut qu'il divorce. Si elle fait le contrat, il faut que son mari divorce. Et s'ils ne font pas le contrat, elle peut comme ça dire « là, j'ai changé d'avis, Inch'Allah ». En ce qui concerne, je crois que c'est la dernière question. Je crois que c'était la dernière question. Je ne vois pas pourquoi il n'y a aucune question devant moi. Nam. Je ne vois pas pourquoi sont passées les questions. Nam. Je les ai trouvées. Je crois que c'est la dernière question. Nam, c'est la dernière question, Inch'Allah ta'ala. On commence Allah Ta'ala par nos frères et sœurs. Oum Souleyman a levé la main alors que j'avais dit que les femmes c'était pas la peine de lever la main, il suffisait qu'elle écrive seulement à Zinjabila Inch'Allah Ta'ala pour que les questions viennent. Mais ma'alish, Oum Souleyman, t'as fait badi. Quels sont les signes qui parlent à qui? Qui parle à qui? J'ai pas compris, M. Souleyman. J'ai pas compris ce que ça veut dire le hadith. Quel est le hadith? La fin du hadith, de quel hadith? J'ai tellement parlé de hadith. Je ne sais pas de quel hadith tu parles. Est-ce que tu parles du chameau? Du chameau qui rentre dans la marmite? C'est de l'âme. Naam, lorsque l'âme monte dans le ciel, on lui pose des questions. Tu parles ce hadith? Naam. Qui monte dans le ciel? Naam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un meurt et qu'on fait monter, vous savez, quand quelqu'un meurt, on va faire monter son âme dans les cieux. Ça, vous le savez. Chaque ciel, quand il arrive dans chaque ciel, ce sont les anges qui marchent avec lui jusqu'au deuxième ciel, troisième ciel, et comme ça, il monte. Ils ont dit, le hadith a dit, quand il arrive au premier ciel, les âmes, les morts, les gens qui sont déjà morts, il y a certains qui sont au premier ciel, parce que j'ai dit que les âmes montaient et descendaient. Celles qui seront à ce moment, dans le ciel, au premier ciel, commenceront à poser à ce mort des questions. Ils lui diront, comment va X, comment va ton père, comment va X, les gens qu'ils connaissent. Comment va ma mère, est-ce que tu as vu mon père, ils demanderont même, est-ce que X, par exemple, s'est marié, la fille? Non, ils demanderont, est-ce que X s'est marié, est-ce que X, qu'est-ce qu'elle a eu, etc. Voilà ce qu'a dit le hadith. Est-ce que tu veux autre chose dans le hadith ou bien Alhamdulillah, jazakallah khair. C'est comme ça donc. Il dit que c'était tellement important le mariage qu'il demandait même la femme si elle s'est mariée. Et quels sont? Naam, quels sont les signes? J'ai pas encore répondu. Naam. Et quels sont les signes que peut une hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une fois une femme ou une fille. Il a dit, urquha ou istirquha, yani cherchez lui la ruqya. Il a dit biha nadra. Il a dit, elle a le mauvais œil. Elle a le mauvais œil. Elle a dit, faites-lui un quoi? Faites-lui une ruqya. Quand quelqu'un a le mauvais œil, des fois il a des signes qui paraissent sur lui. Des fois lui-même il sent. Il dit par exemple, je me sens tout dégoûté. Des fois on voit une couleur sur son visage. On voit par exemple qu'il est très jaune alors que d'habitude il n'était pas comme ça jaune. Bien on voit par exemple qu'il a des plaques comme ça sur ses joues, un peu noires, qui vont un peu vers le noir. Et des fois c'est lui-même qui sent. Il dit, je suis très dégoûté, je n'ai pas de raison. J'ai tout et pourtant je me sens des fois très dégoûté, je me sens comme ça. Alors la plupart du temps, ça c'est le mauvais œil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de signe comme ça pour reconnaître quelqu'un qui a le mauvais œil. Il y a beaucoup de fois où c'est lui qui sait, qui dit, je me sens très fatigué, je me sens, pourtant il n'y a rien. Je n'ai pris ni du lourd ni rien. Il va chez le médecin, il lui dit, tu es très bien. Pourtant lui il fait une petite ruqya de la haine, même si lui par exemple, il y a un peu dans l'eau, et par exemple, il se lave avec, il est au laudo berbel falak, au laudo berbel bien, s'il crache à l'intérieur, il se jette ça sur la tête, ça a donné beaucoup d'effets. Les gens l'ont essayé, et ça a donné beaucoup d'effets, inshallah ta'ala. Tafadlal Palestine, je suis à Khazrona, si tu connais Khazrona. Je suis à Khazrona, pas maintenant, maintenant je suis au Kouit, inshallah ta'ala. Mais je suis, Inch'Allah ta'ala, Khazrona, tu dois connaître Khazrona, c'est très connu à Blida. Inch'Allah ta'ala. N'oublie pas de Baraklofi. Si toi tu n'es pas loin de Khazrona, n'oublie pas de préparer Inch'Allah la Douara et la Bekbouka. N'oublie pas. Comme ça, Inch'Allah. Non. Palestinien, oui, t'fadal. Palestinien, oui, t'fadal. C'est qui Baraklah. Non, la sera finie, t'fadal. Palestine en tape, Inch'Allah ta'ala. Allahu barakatou. Cher, j'ai un problème, je voudrais être éclairé. Inch'Allah. Voilà, je travaille dans une entreprise et le mois dernier, j'ai pris un mois de congé sans solde. Et quand je suis revenu travailler quelques jours plus tard, l'entreprise a fait une erreur sur moi, il m'a payé le mois et je ne sais pas quoi faire. Nam. Si le rendre l'argent ou si je peux l'utiliser cet argent pour stabiliser le maître à une famille palestinienne, Inch'Allah, est-ce que c'est tout va? Barakallahu fik, Allah vous compte bien fait. Naam. Inch'Allah ta'ala, ce que tu dois savoir, c'est que si te l'ont donné, ils ne se sont pas trompés, tu le prends. S'ils ne se sont pas trompés, pour peut-être, je ne sais pas, ils ont voulu te le donner comme ça, je ne sais pas, ils sont libres. Mais si tu es sûr qu'ils se sont trompés, tu dois le rendre. Si tu es sûr qu'ils se sont trompés, tu dois le rendre parce que ce n'est pas ton argent. Mourir ibn Shu'ba radiallahu ta'ala anhu, avant de faire le repentir quand il était kafir, il avait pris beaucoup d'argent des kuffars. Ensuite, il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, voilà l'argent, et je suis venu pour faire l'islam. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, on l'accepte. L'argent, on l'accepte pas. Rends l'argent aux kuffars, on l'accepte pas. Bon, il lui a pas dit, rends l'argent. Il a dit, on n'accepte pas l'argent, yani hada. Toi, c'est la même chose. Si tu peux le rendre l'argent, tu vois. Si maintenant tu vas parler avec le mes'oul, il te dit y a pas comment le rendre, etc. Ça, tu le donnes fi sabillah, inshallah ta'ala. Tu le donnes fi sabillah, après avoir informé les responsables. Quand ils te disent, khlas, nous on peut pas le rendre, tu le donnes, inshallah ta'ala, fi sabillah. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Abdurrahman, pardon. Est-ce qu'il y a une... Essaye de le rendre, inshallah ta'ala, Allah Azza wa Jalla te compensera. Comme Abdel Nour a dit, quand une femme est dehors et qu'elle ne fait pas la salat dehors, qu'elle fait la salat approche. Elle veut absolument la faire avant la salat. Peut-elle la faire dehors dans un endroit discret? Et faut-il qu'il y ait un toit au-dessus d'elle ou bien peut la faire à l'air? Pouvez-vous me dire, Inch'Allah, me donner le délire, me faire le barakallahu, jazakallahu khairan. Naam, Ukht Karima ou Abdel Nour, c'est pas à moi de donner les dalils. C'est pas à moi de donner les dalils. C'est celui qui dit, par exemple, elle ne fait pas la prière qui donne les dalils. Car Allah Azzawajal a dit, Inna salat akant al-mu'minina kitab al-mu'quta. Allah Azzawajal a dit, la salat, on doit la faire à l'heure. Celui qui dit que cette femme ne peut pas faire la salat à l'heure, c'est lui qui doit faire donner les dalils. Ensuite, on peut la faire dans un endroit discret, bien sûr, ou derrière une voiture, ou derrière un arbre. On peut la faire, naam. Il faut pas, c'est pas nécessaire qu'il y ait un toit. Ni toi, ni rien. En plein air, dans un jardin public, on fait la salat. Il y a celui qui dit maintenant, c'est le contraire. Celui qui dit, il faut un toit. Ou bien il faut quelque chose sur la tête. Ou bien il peut pas la faire dans le jardin, ça. C'est lui, Inch'Allah Ta'ala, qui doit nous donner les dalils. Parce que c'est lui qui veut faire le haram. Il veut, il haram les choses. L'Azul a dit, inna salat kant al-mu'min kitab mu'quta. Quiconque, lors de la prière est venu, il doit faire la prière. Il doit faire la prière. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Muslim Kola Tafadban. Cela fait seulement 10 jours. Là, il y avait quelqu'un des ulama de l'Arabie Saoudite qui était ici au Koweït. J'ai entendu dire que la femme pouvait faire une prière comme ça derrière la voiture, etc., quand elle est en plein air. Ça, c'est pour pour ensolider ce que j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala. Abu Abdurrahman, d'abord, Inch'Allah. Naam, Abu Abdurrahman, je l'ai oublié. Tfadal, Abu Abdurrahman, smahli, je t'ai pas vu. Salam alaykoum, rahmatullah. Ma question est la suivante. Sachant que nous habitons en France et que pour le mois de Ramadan, on voudrait partir dans un pays musulman. Est-ce qu'on a le droit de faire taqfir et en même temps, est-ce qu'on a le droit de manger le mois de Ramadan tout en sachant qu'on pourrait le rattraper, Inch'Allah, après? Barakallahu fikum wa ahsan Allah ilaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Naam, quand quelqu'un est en voyage, en ce qui concerne la taqfir, il fait salat taqfir jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. Quand quelqu'un est en voyage, il fait salat taqfir jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. La même chose pour le ramadan. Quand quelqu'un est en voyage, il est libre. S'il veut, il mange. S'il veut, il ne mange pas. Reste à savoir quand il est par exemple en route, en train de marcher. Pour la salat, non. Pour la salat, il l'a fait là-bas. Même quand il arrive, même s'il reste un mois ou là, il fait la salat taqfir. Reste pour le siyam quand il est en pleine route, il est libre s'il veut faire, s'il veut pas faire. Mais quand il arrive là-bas, s'il veut faire ou il veut pas faire, c'est aussi valable. Mais s'il fait le siyam, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les voyages, comme l'a montré Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah, il a dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam penchait beaucoup plus vers faire le ramadan que ne pas le faire. Ça veut dire qu'il disait aux gens, vous êtes libres. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, même en voyage, il aimait faire le carême. Il aimait faire le carême. Donc je pense que Allah Ta'ala alam, si tu le fais, c'est mieux. Car après, quand tu vas revenir, ça va être, je sais que tu vas le faire, mais ça va être un peu difficile, etc. Et si tu ne veux pas le faire, tu es libre, Inch'Allah Ta'ala. Tu es libre, Inch'Allah Ta'ala, parce que tu es en voyage. Wallahu Ta'ala alam. Il y a deux questions devant moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Que disent les salafiyoun sur les quatre écoles de fiqh? J'ai souvent entendu Hanifit Malik, etc. Je sais que les imams Malik Shafi'i, Hanafi et Ahmed sont bien, mais quel est le problème de ce dépend de fait ceux qui font des bid'ah? Termine Inch'Allah Ta'ala ta question. Naam, Muslim Kula fait quelque chose de bien. Quand il a terminé, il a écrit 1. 1, ça veut dire j'ai terminé. Parce que des fois, je reste en train d'attendre la question alors qu'il a terminé. Je te dirai très vite, ces quatre écoles sont les plus grandes écoles qu'ont connues les musulmans. Ce sont les plus grandes écoles qu'ont connues les musulmans. Et nous, yani, on se vante en islam de ces quatre grandes écoles. On se vante de ces quatre grandes écoles. Seulement, ce que il faudrait que tu saches d'un autre côté, c'est qu'il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui oblige de suivre l'une de ces quatre écoles. Il n'y a rien, ni dans la Sunna, ni dans le Coran, qui t'oblige à suivre une des quatre écoles ou bien les quatre écoles. C'est pour ça que les quatre écoles ado, à chaque fois que quelqu'un ne trouve pas quelque chose dans le Coran ou dans la Sunna, il n'y a pas de ulama qui font ijtihad, il peut prendre d'une de ces quatre écoles. Il peut prendre d'une de ces quatre écoles, il voit ce qui est plus près du hadith et du ayah. Comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, c'est comme quand quelqu'un veut mourir de faim, il ne trouve rien, qu'est-ce qu'il fait? Il mange quelque chose qui est mort. Ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que tu vas mourir de faim. Ici, la même chose. Tu vas mourir, il n'y a aucune issue. Personne ne connaît le Coran et la Sunna, ne peut te donner le dalil. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un des madahib et tu prends la chose qui est la plus près du Coran et du Sunna. Mais ceux qui disent, moi par exemple, je suis Hanafi ou je suis Hanbali, ça veut dire que je suis le madhab, je suis une de ces quatre écoles, lettre par lettre, du début, du haut jusqu'à la fin. Celui-là se trompe, c'est beaucoup trompé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à quelqu'un que tu dois suivre quelqu'un sauf moi. Il a dit on suit le Coran et on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qu'on est obligé de suivre. Sauf s'il nous dit voilà ce qu'a dit Allah, voilà ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ceux qui rentrent dans une école pareille et disent on doit être malikite comme en Algérie ou là on doit être hanafite comme je ne sais pas où, et ils disent que vous devez, sinon vous avez des péchés, celui qui dit ça, c'est lui-même qui a des péchés. Celui qui dit que si tu ne fais pas une de ces écoles, tu as un péché, c'est lui-même qui doit avoir le péché. Pourquoi? Parce que l'Azul a dit suivez le Coran et suivez la Sunna. Cela, je les laisse, lorsque je suis dans l'embarras, je suis dans l'obligation, je peux prendre quelque chose d'eux, parce que ce sont tous de grands ulama. Mais eux-mêmes, les quatre ulama eux-mêmes, dont tu viens de citer les quatre noms, alayhim rahmatullah, les quatre ont interdit de nous suivre. Eux-mêmes. C'est pour ça, si tu parles avec quelqu'un qui te dit, je suis malikite, tu lui dis, toi tu es malikite. L'imam Malik Nefso a dit, il est interdit de me suivre. Tu es toi chafiite. L'imam Shafi'i a dit, si vous trouvez une sunna qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, frappez ce que j'ai dit contre le mur. Alors pourquoi tu n'es pas chef? Si tu étais chafiite, tu aurais frappé ce qu'il a dit contre le mur, car c'est à l'encontre de la sunna dans cette chose et cette chose. Pourquoi tu ne frappes pas contre le mur? Donc tu n'es pas un vrai chafiite. Un vrai chafiite, c'est celui qui suit chafiite. Le chafiite, il a dit, attention, vous me suivez, attention, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi. Donc, les gens ici, ou bien ils détestent ces quatre écoles et les insultent, ils disent Imam Malik c'est pas un alim, Abu Hanifa c'est pas un alim, etc. Et ceux-là bien sûr ils sont égarés, ou bien à l'encontre il y a d'autres qui disent ceux-là ce sont non seulement des ulama mais il faut les suivre, il faut suivre tout ce qu'ils disent, mot à mot. Et ceux-là sont aussi loin de quoi de ce que Allah veut de nous et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Imam a dit, je voulais demander au professeur s'il pouvait m'expliquer les rites du mariage musulman, l'explication du déroulement selon la sunna. J'ai pas compris, elle a voulu demander au professeur, pourquoi elle n'a pas demandé? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Je voulais demander au professeur s'il pouvait m'expliquer. Quel professeur, pourquoi elle n'a pas demandé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'elle a voulu? C'est vous le... Ah, c'est moi le prof? Ah, خلاص. Pardon, c'est moi le prof. C'est la première fois que quelqu'un me dit le prof, c'est pour ça que... Naam. Barakallahu fiha, naam. Donc elle se sent, elle dit, dans une... Jazakallahu khair. Elle se sent, inshallah ta'ala, on est dans un lycée. Ici, on dit pas on est au préparatoire. Inshallah, on est au lycée ou là on est à la fac, inshallah. Barakallahu fiha. Donc elle voulait demander comment Si vous pouvez m'expliquer les rites du mariage musulman, l'explication du déroulement selon la sunna. Naam, hada, il faudrait que je prenne à peu près 20 minutes ou une demi-heure pour lui expliquer en détail, comment que ça se passe, C'est pour ça que j'ai eu toujours dans la tête, ensuite je me suis dit, c'est pas la peine, je laisse pour après, de vous lire un livre de Cheikh Ibn Uthaymin al rahmatullah sur tout ce qui a rapport avec le mariage, du début, comment qu'on demande la main de la femme, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit, comment qu'on fait, etc., jusqu'à la fin. J'ai toujours pensé à faire cela, mais je ne l'ai pas encore fait. Je te répondrai très vite, c'est très détaillé, et c'est très... Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas ce que je vais te dire très vite, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Je ne sais pas comment faire, Allah. Bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas si je commence. J'ai peur de commencer, ensuite ça va aller beaucoup loin. Je demanderai à ma soeur de m'excuser. J'en reparlerai demain, Inch'Allah, en commençant le DAS. Je commencerai, Inch'Allah, demain le DAS, en parlant de ces choses, Inch'Allah Ta'ala. Au moins, je prendrai, Inch'Allah Ta'ala, une demi-heure en parlant de ça. Naam, le livre de Cheikh Ibn Uthaymin qui s'appelle Naam, le livre de Cheikh Ibn Uthaymin qui a. Il y a un livre en français. Est-ce qu'il y a le livre de Cheikh Ibn Uthaymin en français? Est-ce qu'il y a le Sharh al-Mumti'a? Est-ce qu'il y a Sharh al-Mumti'a en français? Je n'ai jamais su qu'il y avait en français. Je ne crois pas. Il a 11 tomes. Je crois que c'est le 7e ou le 8e. Il parle seulement. Non, il n'y a pas. Le 7e ou le 8e, il parle seulement de mariage. Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai demain de parler 20 minutes ou là. Non, un livret qui résume les règles du mariage. Je ne sais pas, il doit y en avoir beaucoup, non. Inch'Allah Ta'ala, je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, demain, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, si je n'oublie pas. Car il reste déjà 5 minutes, on n'a rien parlé encore. Harith, tafadali, Harith. Ma question concerne la direction de la Qibla. Comment se repérer avec le soleil pour trouver comment se diriger pour faire la salade dehors pour voir l'Asr le Maghrib, barakallahu fikoum. Naam, ma soeur Harith, on ne peut pas comme ça savoir d'où se trouve la Qibla avec le soleil, sauf quoi, il faut que tu saches que chaque pays a sa qibla d'après le soleil. Par exemple, en Algérie, la qibla, c'est le lever du soleil. Tu vois, par exemple, d'où se lève le soleil, tu fais la prière, c'est comme ça en Algérie. Il y a d'autres pays, tu vois, par exemple, d'où se lève le soleil, ensuite, tu laisses le soleil sur ta joue droite. Tu regardes d'où se lève le soleil, ensuite tu lui donnes la joue droite, tu fais la prière. Dans un autre pays, tu lui donnes la joue gauche. Dans un autre pays, d'où se lève le soleil, tu lui donnes la nuque et tu fais la prière. Donc il faudrait que tu saches, c'est d'après les pays, mais comme ça, il y a de sa tête. Essayer de savoir, c'est très difficile et on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le soleil, comme tu dois savoir, il a beaucoup de relations avec comment la Terre tourne. Et chaque pays, il a une façon de tourner, etc. Donc on ne peut pas savoir comme ça, seul. En France, Allah, je ne sais pas. Si j'étais en France, j'aurais demandé, ça aurait été facile. Non, en France, les gens savent. Il faut demander à ceux qui sont en France, ils doivent savoir. Il faut s'orienter vers le sud-est. C'est pour ça que je t'ai dit, chaque pays a, Inch'Allah Ta'ala, chaque pays a sa propre Qibla. Allah, Abu Anas, toi tu n'as posé aucune question, Abu Anas. ça ne fait rien. Je veux dire que comment savoir si on va trop loin dans la vision de la recherche d'un mari? Je précise exigence au niveau de la femme et du comportement. Moi, je veux dire que des fois, la femme, c'est de la part de Pieuzullah, Nam, des fois, la femme a beaucoup de foi et elle veut beaucoup pratiquer la sunna, et au lieu de chercher quelqu'un qui est du même niveau qu'elle, elle cherche quelqu'un qui est un peu faible et elle voudrait lui exiger ces choses. Voilà ce que je veux dire, c'est difficile. Des fois, on a, le niveau change d'une personne à l'autre. Et la pratique aussi. Et l'amour de la sunna aussi. Des fois, on trouve quelqu'un qui lui a donné cet amour, etc. Il est très exigeant en ces choses. Ensuite, il va chercher quelqu'un qui est faible et il voudrait lui dire qu'il fasse lui aussi cela. Ça, ce n'est pas facile. Il ne va pas du jour au lendemain que faire toutes ces choses-là. C'est pour ça que chacun choisit d'après son niveau. Chacun choisit son mari et l'homme choisit sa femme d'après le niveau. C'est pas quelqu'un de salafi, quelqu'un de masha'Allah, ensuite il va ramener wahda qui n'a rien. Qui n'a rien, vient tout juste débutante et je ne sais pas si elle accepte. Peut-être même qu'elle est un peu contre. Ensuite il va lui dire, parce que de maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire le sitar, tu vas mettre ceci, cela, ça va être très difficile. Pourquoi auparavant n'avait-il pas choisi quelqu'un qui était comme lui? Pourquoi au départ ils partent pas avec les mêmes, avec la même force? C'est pas je vais chercher quelqu'un de faible, je vais l'accepter, ensuite je vais dire pourquoi il veut pas celui-là faire comme moi, etc. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Wallahu alam. J'en reviendrai inshallah là-dessus. Ministère, tu n'as pas posé ta question. Mystère. Salam alaikum, salam wa barakatuh. Quelles sont les conditions pour que la salat d'une sœur soit valable? Et doit-elle cacher ses pieds? Et le hijab, c'est seulement pour la prière ou c'est obligatoire? Et doit-elle cacher ses pieds et le hijab? Déjà là, je ne sais pas ce que ça veut dire le hijab. Comment ça? Je ne sais plus ce que c'est le hijab et le sitar chez vous et le niqab. Tout a changé. Seulement pour la voile islamique, non, parce qu'il y a certains, le hijab, ils disent c'est le voile de voile islamique, c'est le voile de la tête, mystérie, c'est le voile de la tête, le foulard, tu parles du foulard, là tu parles hijab, c'est le voile de la tête. Non, moi j'ai pas compris c'est le voile de la tête, hein. Moi j'ai compris c'est le voile qu'on met des épaules qui descend en bas, c'est ça le hijab. Le hijab commence sur les épaules et il descend jusqu'au bas. Est-ce que tu parles de cela? C'est ça le hijab, Mystery? Khimar, irhamukallah. Je ne sais pas, vous, là, ça, vous m'avez étonné, vous, en France, je ne sais pas d'où vous avez, comment vous dites cela, d'où vous avez eu cela. Tout le monde sait que le djilbab commence de la tête et il descend au pied. Ensuite vient le hijab, il commence par les épaules, il descend en bas. Ensuite vient le voile, le khimar, il s'appelle le khimar, qu'on met sur la tête. Ensuite il y a le sitar qui cache tout le visage. Ensuite il y a le niqab qui cache au niveau du nez, il laisse les yeux. Pas le sitar ni le niqab. Pas le sitar ni le niqab. Non, c'est drôle, Sakina, c'est drôle chez vous, Adana. Si j'étais chez vous, j'aurais parlé comme ça dans une mosquée, j'aurais dit tout faux. Hein, j'aurais dit tout faux, ils auraient cru que tout ce que j'ai dit était faux. Moi je parle du hijab, pour eux le hijab c'est la tête, etc. Ça aura tout changé. Le niqab et le sitar, ça couvre le visage. Naam, le niqab et le sitar, ça couvre le visage. Ça. Et le khimar, ça couvre la tête. Le khimar, ça s'appelle le khimar, ça couvre la tête, ça s'appelle un voile. Il peut être blanc, il peut être ceci, ça s'appelle le khimar. Ensuite il y a un habit qui commence de la tête, un habit qu'on met sur la tête, il descend jusqu'aux pieds. Ça s'appelle le djilbab. Ça s'appelle le djilbab. Ensuite, il y a le hijab. Le hijab qui se met, il commence de l'épaule. Comme vous, en algérien, on dit par exemple djibba. On dit djibba. On la rentre par la tête et elle descend jusqu'aux pieds. Elle est au niveau des épaules. Bon, revenons maintenant à ce que veut Mystérie. Il faut que je comprenne d'abord ce qu'il veut ici. Il a dit, pour que la salat d'une femme soit valable, il faut qu'elle soit cachée, bien sûr. Et il faut que le vêtement avec lequel elle soit cachée, il faut pas qu'il soit serré. Il faut pas qu'il soit serré. Il faut qu'il soit assez large. Il faut qu'il cache ses pieds. Comme a dit Salama radiallahu ta'ala anha, dans le hadith qui est rapporté par Sahih Muslim. Elle a dit que on faisait la prière dans quelque chose, des choses qui cachaient nos pieds. Il faut que ses pieds soient cachés. S'ils ne sont pas cachés, au moins qu'elle soit avec des chaussettes. Au moins qu'elle soit avec des chaussettes. Et il ne faut pas qu'elle se dise, il ne faut pas que la femme se dise, il n'y a pas d'homme avec moi. Il n'y a pas d'homme, alhamdoulilah, je suis seul. Non, ça c'est une aura entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une aura, ça s'appelle la aura de la salat. Quand tu n'es pas en salat, ça ne fait rien. Tu marches comme ça devant ton père, ta mère, avec tes pieds nus, il n'y a pas de problème. Mais dans la salat, tes pieds doivent être cachés. C'est une aura entre toi et Allah dans la salat. Ça s'appelle la aura de la salat. Il y a des choses qui ne sont pas aura hors salat, mais qui sont aura dans la salat. C'est comme l'homme, par exemple, ses épaules ne sont pas aura. L'homme, ses épaules, il peut montrer ses épaules, par exemple, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses épaules. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas quand il fait la prière, il doit cacher ses épaules. Donc, des choses ne sont pas aura hors salat, mais à l'intérieur de la salat, elles sont aura. Et elle doit pas, son visage doit être visible, son visage doit être visible, elle ne cache pas son visage quand elle fait la prière. Ensuite, il a dit, est-ce que c'est obligatoire tout le temps ou non? Qu'est-ce qui est obligatoire tout le temps ou non? Je ne sais pas ce que c'est. Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est obligatoire tout le temps ou pas? Je ne sais pas, Mystérie, ce que tu veux dire. Pardon. Hein? Je n'ai pas compris. Hijab. Non, c'est pas ça le mouchkila. C'est que je ne sais pas ce que c'est le hijab. Le hijab, je sais pas ce que c'est. Tu parles de la tête, là tu parles du hijab, donc je parle moi. Dis-moi le hijab, où il se met d'abord. Dis-moi le hijab, où il se met. Tu parles du hijab ou du djilbab ou là du khimar qu'on met sur la tête ou là du ce qu'on met sur le visage. Ça, je n'ai pas encore compris. Écris-moi la phrase. Ce qu'on met sur la tête ou là cache le visage ou là comme ça, je vais comprendre. Prends le micro, Mystérie. Pourquoi tu prends pas le micro? C'est mieux, barakallahu fik, on gagne du temps. Prends le micro si tu peux, barakallahu fik. Ce que mettent les sœurs ici, moi je ne suis pas ici. Je suis là-bas, Mystérie. Je ne suis pas ici. Je suis là-bas, à je ne sais pas combien de kilomètres loin. Je ne vois pas ce qu'elles mettent là-bas. Oh là, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans ma vie, ce que met une sœur en France. Je ne sais pas. Il y a de tout ici. Non, il y a de tout. C'est sûr qu'il y a de tout. Il y a un long voile. Ou un petit. Un long voile ou un petit. Mystérie, pourquoi tu ne veux pas prendre le micro? C'est plus simple et plus vite. Il parle de khimar, je pense. Justement, moi, je peux pas répondre à une question où c'est écrit peut-être. Il parle de ceci peut-être ou cela peut-être. Ça, je peux pas répondre. Prends le micro, Inch'Allah, Mystérie. Bon, Mystérie, je crois que tu veux pas parler. demain, inshallah ta'ala, écris bien ce que tu veux dire, parce que c'est très, non, 03, ça, c'est très difficile. Ah, classe. On va lui donner, inshallah ta'ala, Ousmane, Youssef du 77. Akhi Mystery, non, Jazakallah khair, Akhi Mystery, pardonne-moi, je t'ai pas répondu, parce que c'est très, très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire très difficile? Toi, tu parles d'une chose. Non, toi, tu parles d'une chose, et les sœurs pensent à une chose, et moi, je suis en train de parler d'autre chose. Moi, je dis oui, c'est halal, c'est ceci, cela, alors que je parle d'autre chose, et eux, ils comprennent autre chose. Ensuite, je vais les égarer. Bon, des classes, il a dit ceci, donc c'est cela. Alors que non, il faut d'abord que qu'on sache, qu'on soit d'accord sur la chose dont on est en train de parler. Il faut qu'on soit d'abord d'accord sur la chose dont on est en train de parler. Inch'Allah ta'ala, demain, je te répondrai. Inch'Allah ta'ala. Le voile islamique, on le met tout le temps, pas seulement dans la salat. Le voile islamique, mais c'est quoi le voile islamique d'abord? On le met tout le temps. Si tu parles du djilbab, on doit le mettre tout le temps. La femme doit être toujours avec un voile islamique. Yani, qu'est-ce que ça veut dire toujours? Quand elle est dans la rue, bien sûr, c'est pas quand elle est dans la maison. À chaque fois qu'elle sort de sa maison, elle doit porter le voile islamique, inshallah ta'ala. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a plusieurs terres comme la nôtre? Pouvez-vous nous expliquer si vous avez 7 terres et 7 cieux? Barakallahu fik. Naam Youssef du 77, Inch'Allah, on termine avec toi. Les autres, Inch'Allah ta'ala, ils envoient à l'adresse. Abou Ali, s'écrit l'adresse. Barakallahu fik. Ils m'envoient à l'adresse, je leur réponds demain, Inch'Allah ta'ala. Je commencerai par eux, Inch'Allah ta'ala. Pouvez-vous vous parler de la terre? Est-ce qu'il y en a 7 et des cieux, etc.? Naam. Chers frères, les cieux, il y en a 7. Et là, quand il a parlé de la terre, il en a cité 7. Il a dit, on mène l'ardi, mitlahon. Donc, là, Azzawajal a parlé des 7 cieux, et il a parlé de 7 terres. Mais il n'a pas cité le mot terre, il a dit comme les cieux. Il a cité les 7 cieux, ensuite il a dit, il y a les terres comme les cieux. Donc, il y a 7 terres. Mais, est-ce les terres, une terre comme la nôtre, comme tu as dit toi, ou bien des terres et années, des couches? Cette terre, ça veut dire première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, etc. Ça, jusqu'à présent, personne ne sait. Ce sont des avis. Certains disent, moi je suis de l'avis qui dit c'est des couches. Et d'autres disent, il y a des terres, et peut-être on ne sait pas où elles sont, etc. On ne les a pas vues. Mais Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith rapporté par ibn Hajj al-Asqalani et Fath al-Bari, il a dit ce hadith sahih d'Abdullah ibn Abbas, où il a dit qu'il y a 7 terres et 7 cieux, et chaque terre, il a dit avec chaque terre, il y a des prophètes comme nous, des prophètes. Il y a comme Mohammed Aslam, comme Isa, comme Adam, comme, il a dit chaque terre a avec ses prophètes. C'est Abdullah ibn Abbas qui a dit ça. Wallahu ta'ala alam, yani c'est convaincant, ce n'est pas convaincant. Allahu ta'ala alam, moi je ne penche pas beaucoup vers cet avis, je ne penche pas beaucoup, mais ce n'est pas impossible, parce que nous, la terre, c'est quoi en fin de compte? C'est quelque chose de très très très très petit par rapport à l'univers. Par rapport à l'univers, la terre, c'est rien, c'est une lentille. Habba Adès ou Habba Hummas ou Habba Hummas, devant yani l'immensité de l'univers, il se peut qu'il y ait des terres avec des personnes, avec des vivants, avec et des cieux et ceci cela. Wallahu ta'ala alam. Tant que tu ne trouveras jamais, Inch'Allah, une réponse comme ça très claire, demande juste pour avant s'il n'y a pas d'hiver, je suis sûr qu'Allah prend tel prix. Chez Zepa. Non, prend tel prix. Il n'y a pas une chose où il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas une chose où il n'y a pas de divergence. Mais ce que j'ai lu, moi, c'est chez les grands ulama, la plupart penchent vers elle doit cacher. Ils ont cité hadith Umm Salama radiallahu ta'ala anha, qui était la femme du prophète Sansan. Et on lui a posé la question. On lui a dit, comment faisiez-vous la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le hadith, il est dans Sahih Muslim. Elle a dit, fi dir'a sabir yasturu rijlain. Elle a dit, dans quelque chose, un hijabula long, qui cachait nos pieds. Elle a dit, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit ça, et le hadith est sahih. Maintenant, moi, qu'est-ce que ça peut me faire les divergences? Si maintenant quelqu'un diverge ou là, moi je tiens chez ça, et je m'attache à ça. J'ai la femme du prophète qui, le prophète la voyait, elle était tout le temps avec lui, et elle montre aux gens, elle leur disait, quand on faisait, voilà ce qu'on faisait. On faisait la prière dans quelque chose de long, qui nous cachait les pieds. Voilà maintenant par quoi je suis convaincu. Si un autre est convaincu par ne cache pas, ça c'est entre lui, Inch'Allah Ta'ala, et son damer, et son intérieur. Je m'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. On se rencontre demain, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure, Inch'Allah Ta'ala. Vous m'envoyez vos questions, je vous répondrai, Inch'Allah. Je commencerai par ceux qui n'ont pas posé encore leurs questions. Et à demain, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. استغفرك وتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.